Et voilà, vous entendez, bonjour. Pourtant, Nicolas nous prévient bien, il fait 20, 10, et là, eh ben non, en fait, voilà, tout le monde est en train de partager, car c'est Noël, donc il y a plein de gâteaux. Valentine a ramené du gâteau, Rémi a ramené du gâteau, c'est incroyable, donc on est super bien, il y a du jus d'orange, enfin voilà, donc... Eh ben, c'est Bulle de Rêve, forcément, sur Radio Libertaire, encore plus forcément. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais où est-ce que vous entendriez parler de cinéma d'animation pendant 2 heures? Eh ben, c'est uniquement ici, évidemment, sur la radio de la Fédération Anarchiste, qui permet ce genre de choses, évidemment, sans pub, sans rien, enfin, c'est génial. Donc, on est évidemment ravis d'être là. Le générique, on le doit, une fois n'est pas coutume, hein, souvent, on l'entend, à Michael Nyman, qui a beaucoup travaillé, bien sûr, avec Peter Greenaway. C'était un film de Peter Greenaway. Ouais, Z and Two Notes, Zoo en français, en Z, voilà. Lady in the Red Hat, le morceau, donc voilà, très très beau film qui a un petit parallèle, on va dire, avec le cinéma d'animation, puisque c'est deux jumeaux un petit peu bizarres qui s'occupent de regarder des choses dépérir, mourir, enfin voilà, moisir, etc., et qui réfléchissent un peu à vie après la mort, enfin, genre de choses. Et les deux frères auraient été un tout petit peu mis sur les frères Coué, c'est-à-dire que Greenaway aurait pas utilisé les frères Coué pour faire ses deux frères. Voilà, aujourd'hui, une émission... Qui fleure bon la Bretagne. Je sais pas si c'est très chic ce que je viens de dire, mais en tout cas voilà. Ah voilà la marée, etc. Parce qu'on va faire un après-bru. Alors après-bru, c'est où bru? Bru, c'est ouais, voilà. Vous voyez le nez de la France, la truc comme ça. Là quoi? Près du village d'Astérix. Ok, on voit la référence. C'était Rémi, hein, évidemment. Donc. C'est toujours plus précis. Hein. Uh-huh. Donc voilà, c'est vers Rennes. Ah ouais, vous voyez mieux où c'est. Bruce, c'est la ville dans laquelle le festival de l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation, s'est installé depuis maintenant 4-5 ans, 2010 je crois. On verra, on en reparlera après. Et donc, on a la chance de recevoir Sabine Zipsi. Je l'ai bien prononcé. Oui, très bien. Bonjour. Bonjour Sabine, qui est déléguée générale de l'AFCA. Ouais, déléguée générale de l'AFCA. C'est peut-être la... Non, j'allais dire, c'est presque la première femme, mais non, il y a eu évidemment... Michael Bach. Bien sûr, Michael, avant. Donc, qui viendra nous parler du festival, qui nous parlera aussi un petit peu, parce qu'elle a pris ses fonctions il n'y a pas si longtemps que ça, de l'AFCA et de... Voilà, de ce gros mastodonte. Non, qu'on est un petit en fait, mais gros pour nous, du monde de l'animation. On va recevoir aussi, ça fait plaisir, parce que c'était pas évident, Nicolas Brault. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci de l'invitation. Nicolas, qui est un réalisateur québécois, qui était invité au Festival de Bruit, parce qu'il y avait un focus sur le pays Québec. Ils ont carrément mis pays comme ça. Alors là, au moins, en tout cas en animation, l'indépendance québécoise est obtenue depuis longtemps. Merci beaucoup, Nicolas, de venir. Merci. On va parler évidemment de son cinéma. On reçoit aussi, c'était les deux invités principaux. Et ensuite, il y a Yann Song, le Vano, qui s'est greffé. Et on est très contents. Bonjour, Yann Song. Bonjour. Yann Song, qui est ancien étudiant de l'ESSAD, qui est passé par le casque, on parlera un peu avec lui, et qui a été le vainqueur du dernier défi des fous, et donc qui était invité au festival. Ouais, je le dis, il était invité gratuitement. Enfin bon, il avait payé son voyage, mais quand même, l'AFCA donc lui payait la commutation, etc. Merci l'AFCA, voilà, pour qu'il vienne découvrir ce festival. Et puis parce qu'elle est là et elle est en face, je sais pas trop, j'ai pas préparé, je savais pas si elle venait ou pas, mais bon voilà. Clémence Braga, bonjour Clémence. Bonjour. Voilà, qui on va essayer, peut-être qu'au cours de l'émission, on saura ce qu'elle fait exactement. C'est un peu mystérieux. Elle est à la fois. On va peut-être lever le voile. Productrice, mais elle est un peu partout. Elle s'occupe de tout. Enfin voilà, elle s'occupe des jurys. Enfin, c'est assez étrange. Et bien évidemment, Valentine. Bonjour. Voilà, un peu malade. Et Rémi. Bonjour. Pas malade du tout. Voilà. Et moi, bonjour. Non, on me dit jamais que je parle jamais de moi, en fait, je présente pas, donc voilà, je suis là. Et donc, je vais vous présenter cette émission. On va donc parler de tout ça. On a beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, évidemment, comme toujours, pour en parler. J'aimerais juste faire un petit clin d'œil à quelque chose, parce que je suis pas sûr qu'on en parle, parce que c'est pas trop dans l'agenda, à quelque chose que m'a demandé et que nous a demandé à plusieurs d'entre nous. Marco de Blois, qui est quelqu'un dont j'ai déjà parlé ici, dont je parle souvent sur The Web Anime, qui est quelqu'un d'une grande importance pour le monde de l'animation. Il est responsable de la section animation à la Cinémathèque québécoise, sûrement, je le répète à chaque fois, mais sûrement là, la Cinémathèque est la plus importante pour l'animation, bien loin derrière cette Cinémathèque française qui a oublié depuis longtemps ce qu'était le cinéma d'animation, enfin, qui n'a jamais su ce qu'était le cinéma d'animation, donc de toute façon, voilà, ça au moins ça facilite la tâche. Et heureusement, donc voilà, il y a cette Cinémathèque québécoise qui travaille si bien, et Marco de Blois a eu l'idée l'année dernière de demander, puisqu'on parle souvent du long métrage, de faire un top 10 du court métrage, donc il a demandé. C'est évidemment une tâche impossible qui est à la fois vaine et ridicule comme tout top et à la fois géniale et incroyable comme toute liste qui permet ensuite aux gens de venir piocher. C'est dur parce que c'est juste 10 films. Et donc voilà, merci beaucoup à Marco parce que c'est vraiment super intéressant de faire cette liste, de faire des choix. Il y a des gens qui ont fait des choix plus traditionnels, on va dire, ce qui fait que le film, par exemple, de Prit Parn et Olga Parn se retrouve en tête. Alors rarement en haut de classement, ils sont souvent 5e, 6e, 7e. J'ai commencé à faire un truc détaillé, très détaillé, que je publierai sur The Web Anime, les trucs, enfin des diagrammes, des choses comme ça, parce que j'aime bien ça, les tops. Et quelques-uns qui arrivent vraiment en haut, et je pense que c'est surtout pourquoi moi je le fais, en tout cas pourquoi j'ai accepté, c'est aussi parce que je considère que c'est une base pour ensuite peut-être montrer des films qu'on voit pas beaucoup. J'ai pu moi mettre dans ma liste, par exemple, en effet, film que j'ai pu montrer à Bru, film d'une ancienne étudiante, Justine Wulstecker, dont j'ai déjà parlé ici, Fish Don't Need Sex, qui avait pas été en sélection et que j'ai montré lors de la soirée clip. Et d'ailleurs, je l'ai mis aussi un peu grâce à Clémence qui est là, et parce que je sais que plusieurs personnes sont sorties et m'ont dit qu'ils avaient bien aimé le film. Et comme c'est quelqu'un, j'ai travaillé avec elle sur le film, enfin c'est elle qui a tout fait, mais je l'ai un peu aidé comme certains, j'hésitais à le mettre, et comme certains m'ont dit non, il est vachement bien, Cécile, non, il sert aussi de l'AFCA et tout. Donc voilà, donc ça permet de mettre en avant, et donc ces listes-là, notre ami Francis Gavel aussi a mis pas mal de films d'étudiants, par exemple, on est un peu les seuls, de l'MK, ce genre de choses, et je trouve ça assez passionnant finalement de faire ces listes uniquement pour ça, pour montrer, pour faire découvrir, plus que de savoir qui est le meilleur, parce que ça n'existe pas, mais en tout cas pour découvrir un peu plus ça, voilà. Comme ça, j'ai parlé de ça, et puis j'ai parlé de Marco, parce que peut-être qu'il nous écoute. Non, quelle heure il est au Québec, là, à Montréal? Moins 6, donc je sais plus. Ouais, donc 11h peut-être qu'il nous écoute, donc bonjour Marco si tu nous écoutes. Oui. Hein, voilà. Ça, mais je crois qu'il écoute Marco. Bah ouais, en plus ouais. il a dit c'est ce qu'il j'écouterai, voilà. Donc oui. Je sais pas si en direct, mais s'il écoute, ben merci à lui, et puis qui continue à faire ce super boulot. Tu l'as pas mis, juste une petite chose pour parler d'un deuxième Québécois, Marcel Jean. On sait un peu plus ce qui va se passer à Annecy cette année. Il y a un truc très très bizarre, et je le dis quand même en ligne. Il va y avoir un jury spécialement de femmes. Et c'est assez étrange parce que les sélectionneurs sont que des hommes. Et je pense qu'il faut se méfier des fois des jurys de femmes. C'est pas forcément les meilleurs. J'adore évidemment les réalisatrices, c'est important. Mais je vous rappelle quand même que justement, lors des derniers sommets de l'animation de Montréal, il y avait deux femmes dans le jury et ils ont donné le prix quand même à Hippopotamus, qui est quand même l'un des pires films du monde. Donc, comme quoi, il faut toujours se méfier un petit peu des jurys de femmes. Voilà, mais c'est bien. Et en tout cas, il va y avoir plein de choses sur les femmes. Et les rencontres à Annecy, on fera aussi. On s'en occupera un petit peu. Voilà, ça y est, c'est fini. J'ai fait mon petit topo du début. Et on va juste faire une toute petite pause. D'un groupe qui s'appelle Rag Trio. Le morceau s'appelle Kansas City Stomps. C'est de Jerry Roll Morton. C'est assez court. Et c'est un trio en fait de jazz avec Philippe Audibert à la clarinette, Jean-Marie Gontier Morin au tuba et Félix Huneau au banjo. Donc ouais, c'est mon frère. Donc voilà, c'est un petit coup de pouce parce que d'abord, il joue super bien. Et donc voilà. Et je dis de suite à Nicolas parce que ça fait partie du jeu en effet. On écoutera le morceau 2 et le morceau 3. À la suite, merci beaucoup, on se retrouve juste après. Et oui, comme toujours. Alors, c'est vraiment Noël, donc là, on a des gâteaux, on a plein de choses, donc ça va être un peu n'importe quoi. J'espère que vous aussi, vous avez plein de gâteaux chez vous, voilà, pour manger en même temps que nous. Pour ceux qui n'étaient pas à Bruce, Sabine, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Ce qu'on vient d'entendre, c'est la musique de la bande-annonce de cette 21e édition du festival. Donc, réalisée par Damien Pelletier. Tout à fait. Et la bande-annonce, pas le visuel, puisque le visuel, c'était Améliaro. Voilà, et lui a réalisé donc la bande-annonce, l'animation, et a réalisé aussi la musique. Tout à fait. C'est lui qui a fait la musique. Musicien également par ailleurs. Parfait. Je vais passer les clémentines. Merci. Alors, on va faire un tour de table avant Sabine, mais je ne sais pas si les gens peuvent dire, évidemment. Moi, je suis ravi à chaque fois que je reviens de Bruges. Je suis content, mais vraiment, je le pense sincèrement. Je pense qu'il y a des festivals comme ça qui. J'adore aller à Annecy, bien évidemment. J'adore aller à Clermont. Il y a plein de festivals que j'aime bien, mais je trouve qu'il y a quelque chose, moi, que je trouve assez extraordinaire dans le festival de Bruges. Les gens se plaignent souvent dans un festival de se dire oh là là, mais on est entre nous, on est entre gens de l'animation, etc. Et là, en effet, ils ont été félicités, bien sûr, à la fin du discours de Sabine dans le discours de clôture, qui sont évidemment les bénévoles. Et c'est le fait, je trouve, de voir ce festival immergé, on va dire, vraiment dans la ville. Et on peut rencontrer des gens. Moi, j'étais hébergé chez des gens qui, à chaque fois, me disaient « Ah, oh, j'ai vu ça hier » ou « Là, on a vu... Oh, je comprends pas pourquoi ça s'est sélectionné » ou « Pourquoi ?» Et il y avait un vrai retour de festival. Comment vous l'avez vécu ? Ben, toi, Nicolas, qui fait quand même pas mal de festivals, comment tu as vécu ce festival de Bruges ? Je trouve que c'est ce qui fait une de ses grandes qualités au festival, c'est la proximité entre les réalisateurs et tous les intervenants du cinéma d'animation, mais avec les bénévoles. Moi, j'ai été hébergé dans une famille pour la durée du festival, puis on échangeait le matin sur les films qu'ils ont vus. C'était des néophytes, ils connaissaient pas bien ce cinéma-là. Et même, ils demandaient des repères. C'était une réelle éducation à l'image, d'une certaine manière, pour eux. Puis il y avait une grande curiosité. Moi, ça m'a vraiment plu. Puis ça m'a ouvert les yeux sur certains aspects de ce cinéma-là, en échangeant avec eux. C'est juste ça. Enrichissant, je crois, pour les deux parties. Je sais pas. Sabine, ça c'est quelque chose d'important. T'avais été deux fois au moins en tant que bénévole avant de venir en tant que délégué général à l'AFCA. C'est quelque chose qui est important à l'AFCA, cet ancrage, on va dire, dans la ville de Bruges. Je pense que ça l'est, mais ça l'est pas spécifiquement pour l'AFCA. C'est que ça devrait l'être, en tout cas, généralement pour la plupart des festivals. En l'occurrence, quand on implante un festival quelque part, on fait pas juste pousser un champignon. Il faut à un moment donné travailler, au fur et à mesure avec le territoire sur lequel on implante le festival. Et là, en l'occurrence, c'est Bruges, donc c'est une ville de 17 000 habitants entre la ville et la campagne, proche de Rennes. Donc c'est un ensemble de problématiques et de particularités qui fait qu'il faut s'adapter en tout cas à ça. Ouais, mais ce que dit Nicolas est intéressant parce que souvent, en effet, c'est implanté. Il y a toujours des choses dans les cinémas aux alentours, etc. Là, ça va plus loin que ça. Enfin, là, vraiment, il y a un tissu qui est pas un tissu associatif d'ailleurs, qui est vraiment un tissu de bénévole. Enfin, c'est même pas une association qui sur place aide à faire les choses. Il y a du monde évidemment de l'AFCA et du festival qui travaille toute l'année pour ça. Mais il y a vraiment, enfin voilà, des gens. Moi, je retrouve des gens, des bénévoles qui m'avaient hébergé, par exemple, une année avant, qui reviennent, qui ont des personnes autres, qui aiment bien aussi héberger des gens différents. Comme ça, ils peuvent dire ah ben tiens, là j'ai eu un tel. L'année dernière, j'avais un tel, etc. C'est un tissu qui est fort que je vois dans finalement. Assez peu de festivals. Mais c'est vrai que c'est moi quand je suis arrivée, en tout cas sur la première année, faut savoir que j'avais connu l'édition du festival quand il était encore à Auch, donc 2007, et puis aussi les deux premières éditions 2010 et 2011. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir que on a des gens qui habitent une ville et qui s'approprient un événement culturel et qui se l'approprient pas juste le temps de l'événement, c'est-à-dire c'est pas ils viennent sur le festival, ils sont bénévoles, c'est qu'ils sont là année après année, c'est qu'ils se sont forgés eux-mêmes une culture cinématographique et particulièrement d'animation, et qui sont devenus eux-mêmes passeurs. C'est-à-dire que là, chaque année, cette année, on a eu beaucoup plus de bénévoles que les années précédentes, puisqu'ils étaient 120, contrairement à aux années précédentes, vous étiez autour de 80-90, et c'est qu'on voit qu'il y a une transmission entre les anciens bénévoles et les nouveaux bénévoles, qui vont parler de films, qui vont avoir des références, en tout cas à donner, à transmettre, et qui se forgent une véritable opinion. Et ça, c'est important, ça veut dire qu'ils ont réussi. Enfin, c'est-à-dire que le festival leur appartient d'une certaine manière. C'est intéressant parce que c'est un peu le début de Clermont, Antoine Lopez racontait, qui était comme ça, où c'était un ciné-club, et aujourd'hui, des gens posent une semaine de vacances des Clermontois pour aller dans leur festival. Évidemment, c'est tellement énorme, Clermont, que je ne sais pas s'il y a vraiment un croisement, on va dire, entre les réalisateurs et les gens de la ville, on va dire. Et puis, bon, il y a des hôtels, il y a pas mal de choses, alors que là, c'est vraiment important. Comment, je ne sais pas, j'aimerais demander à ceux qui sont là autour de la table comment ils ont vécu. Yann Song, toi, c'était la première fois, non, que tu allais à Bru, tu connais un peu Annecy, évidemment, t'as d'autres festivals. Comment tu l'as vécu, ce festival de Bru? Et j'ai tous vous demandé, comme ça, vous l'avez en tête, s'il y a quelque chose d'important. Enfin, qu'est-ce que vous retiendrez de ce festival, que ce soit un événement, un film, ou quoi, voilà, quoi que ce soit. Comme ça, je vous regarde tous, comme ça, vous savez que vous allez réfléchir à ça. Yann Song. Moi, c'était la première fois que j'allais à Bru. Et j'avais fait quand même. Enfin, j'avais fait pas mal de festivals d'anime. J'avais fait la fête de l'anime à Lille, le carrefour de l'anime que je fais. Enfin, depuis 4-5 ans chaque année. Et c'est vrai qu'en fait, la chose qui. Et puis Annecy, évidemment. Et la chose qui saute tout de suite aux yeux quand on arrive à Bru, c'est ce qu'a dit Nicolas, c'est la proximité, mais avec les Bruzois aussi. C'est-à-dire que voilà, il y a les bénévoles. Et c'est eux qui font, en fait, avec l'AFCA, qui font vivre le festival. Et ça, même si à Annecy aussi, par exemple, qui fonctionne avec beaucoup de bénévoles, il n'y a pas forcément le temps d'avoir la proximité avec les gens. Et justement, vu que c'est des bénévoles qui ont, voient pas forcément de films d'animation peut-être dans l'année, ou qui voient ce qui passe dans les cinémas, les cinémas plus commerciaux, tout ça. Quand on discute avec eux un petit peu, on se rend compte qu'en fait ils sont intéressés que ça représente, enfin qu'ils représentent un public comme les autres et que ils sont curieux aussi d'animation comme peuvent l'être n'importe quel public. De cinéma, donc le Festival de Bru, c'est intéressant pour ça, quoi. Tu vas réfléchir, je te laisse deux secondes pour réfléchir, ouais. Sur ce qui t'a marqué. Clément, c'est intéressant, je crois que si je dis pas de bêtises, tu disais justement qu'Annecy avait aussi beaucoup changé, parce qu'avant les bénévoles, parce que toi tu viens d'Annecy, ouais. En tout cas tu connais bien Annecy, je sais pas si tu viens d'Annecy, mais tu connais bien, et qu'avant c'était vraiment les bénévoles de la ville, et que maintenant c'est les bénévoles qui sont plutôt de l'extérieur. Oui, tout à fait. Et qui viennent en fait pendant le festival, ça leur permet d'avoir l'accréditation et de rencontrer du monde, mais. Oui, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu un glissement en termes de population de bénévoles au Festival d'Annecy, puisque j'avais vraiment cette impression, en tout cas de mes yeux d'enfant il y a 20 ans, de voir qu'il y avait beaucoup de locaux qui s'investissaient pour le Festival d'Annecy et qui s'appropriaient beaucoup plus les lieux, justement, comme Bonlieu, qui était quand même un lieu fédérateur culturel dans la ville. Après, je pense que de par l'ampleur qu'a pris le festival, voilà, la population des bénévoles a changé, et c'est un mal pour un bien. Je pense que c'est très bien aussi qu'il y ait de plus en plus d'étudiants en école d'animation qui s'investissent en tant que bénévoles pour ce festival. Là, c'est pas le cas à Bru, mais ça fait justement toute la richesse du festival. Et j'ai presque envie de dire, faudrait pas que ça grossisse trop, parce que finalement, la richesse de Bru, moi, de ce que j'en ai ressenti, c'est le Grand Logis, ça a vraiment l'air d'être un lieu qui est vraiment le lieu des Bruzois, le lieu fédérateur en termes de culture, et on voit qu'ils se sentaient chez eux. C'est-à-dire que le dimanche, c'était assez génial de voir qu'il y avait toutes les familles avec les enfants de 4 à 10 ans qui venaient voir la séance de ciné-concert de Tom and Jerry, alors qu'à côté de ça, il y avait le public plus professionnel qui était à une conférence ou à un programme particulier en parallèle, mais il y avait des croisements qui se faisaient. Et, ouais. Quand on voit qu'ils se retrouvent tous autour de la table du café, et puis qu'il y a les petits gamins qui parlent du film qu'ils viennent de voir, et qui sont assis à côté d'un réalisateur comme Nicolas Bro, et que je trouve que c'est assez chouette, parce que ça crée des synergies qu'il n'y a plus trop dans un festival comme Annecy. Rémi, toi qui... visitait aussi. Non, je suis bête. Ça fait combien de fois que tu viens? C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Alors, c'est un festival, c'est quoi ça? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le contraire d'Annecy. Enfin, pour faire une comparaison, pour moi, Annecy, c'est un peu un UGC. Et là, c'est un petit cinéma de quartier où tout le monde se connaît. Bon, c'est vraiment un festival où, du coup, on peut rencontrer vraiment des gens. On n'est pas noyé dans une masse de gens. Et j'ai l'impression qu'à Annecy, en plus, des fois, on fait un peu chier les riverains. Hein. Alors que là, on peut vraiment discuter avec eux. Ils s'intéressent à ce qu'on fait. Ils découvrent. C'est une bonne comparaison, l'UGC. Si, Yann, tu veux parler, il faut que tu parles devant le micro. Non, en fait, je pense aussi que l'avantage de Bru, des festivals à taille humaine comme ça, c'est que par rapport à un gros festival comme Annecy, Annecy, en fait, il y a 1000 festivals dans le même festival, c'est-à-dire que le festival des professionnels, il va y avoir le festival des festivaliers qui vont voir les films, il va y avoir le festival des, je sais pas, des producteurs qui vont chercher à financer. Enfin, et en fait, finalement, on reste un peu cloisonné dans le même milieu, finalement. Alors qu'à Bru, avec les conférences qu'il peut y avoir dans le programme, des choses très différentes, il va y avoir... Enfin, moi, j'étais pas en début de semaine, mais il peut y avoir une table ronde sur la critique en animation, il peut y avoir une table ronde d'exploitants de films pour enfants, où moi, je suis allé, c'était super intéressant. Des choses, voilà, donc plein de conférences, de tables rondes différentes, et du coup, étant plus petit, finalement... Ça permet de rencontrer des acteurs en fait de chacun de ces milieux qui font partie de l'animation, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude de. Le fait qu'il n'y ait pas trop de choses non plus en même temps, qui fait que finalement on va avoir une conférence parce que c'est le bon moment et puis qu'on va avoir une conférence pour se surprendre alors qu'on n'y attendait pas. Rémi, qu'est-ce que tu garderais du festival cette année? Vous croyez pas que vous allez éviter cette question quand même? Surtout le Focus Québec. Moi, ça fait plaisir de rencontrer des Québécois qu'on n'a pas l'occasion de voir le reste de l'année. D'accord, donc le Focus Québec, Yann Song. Je réfléchis encore parce qu'il y a pas mal de trucs. Clémence. Moi, je reste vraiment sur les clips animés. J'ai trouvé que c'était bizarrement une séance qui peut paraître complètement simple de se dire on va passer des clips et puis au final il y avait je sais pas une somme de d'œuvres d'art qui se répondaient bien les unes les autres, qui étaient super complémentaires. J'ai trouvé ça léger et vraiment riche en fait en même temps. Je crois qu'elles sont bien ces séances parce qu'en effet, je disais aux gens, et c'était drôle parce que c'était dans la salle Molière, donc j'ai eu la chance de présenter, en tout cas pour le dimanche, puisqu'il y a eu deux fois pour le dimanche, et la salle était vraiment complète. Et je pense qu'en effet, des fois les œuvres sont dures en cinéma, évidemment, en général, et en cinéma d'animation, et c'est vrai que d'un seul coup, de voir ça avec une inventivité absolument incroyable. En tout cas, moi, j'étais vraiment ravi de voir que la salle, je sais pas pour la première séance, mais la deuxième séance, c'était rempli, les gens étaient même par terre devant, et donc ça, c'était vraiment agréable. Valentine, je sais que t'es malade, mais tu vas quand même nous dire, en parlant devant le micro, en prenant le micro devant toi. Déjà, c'était la première fois que tu venais à Bru. Oui, toi, donc comment t'as vécu ce Bru? C'est un petit peu... la même chose que ce qui ressort là ce soir, c'est vraiment la proximité. Enfin, moi ça m'a marqué. On a été un peu sur scène pour parler du défi des fous. Donc on a été plusieurs à y aller. Il y avait pas grand monde dans on la salle. On était 5 réas et 5 spectateurs. C'est ça. Et vraiment les gens s'intéressaient. Enfin, ils ont posé énormément de questions. On partait assez loin. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui les intéressait vraiment. Et on sentait qu'ils avaient envie de comprendre, il y avait plein de choses qui leur échappaient, donc ils posaient énormément de questions parce qu'ils nous avaient sous la main et on était là et on répondait à leurs questions, et c'était vraiment très intéressant. Il y avait un bel échange, même entre eux dans la salle, ils discutaient en se disant tiens, et puis là, je sais pas, comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça, est-ce qu'il y a d'autres techniques, est-ce que ça va avancer, est-ce que ça va évoluer, c'est quoi l'avenir du cinéma d'animation. C'était hyper intéressant. Et c'était vraiment assez fort. Et un événement qui t'a... À part donc cette séance Défi des fous, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a touché? Le Focus Québec, Il y avait des très très beaux films qui sont repassés, et à voir sur grand écran, ça a vraiment fait du bien, ou bien même revoir certains films qu'on a déjà vus, je sais pas, à Annecy ou dans d'autres festivals, là, pouvoir les revoir sur grand écran, parce que ils sont pas forcément... trouvable, mais là c'était vraiment c'était bien. Ok, donc le Focus ça. Québec, Nicolas, alors là vraiment c'est plaisir. Toi tu nous as déjà dit un petit peu comment tu l'avais vécu, le festival, cette proximité, le fait d'avoir des discussions aussi dans la salle. Il y a des festivals qui le font, mais là il y a eu une discussion directement dans la salle sur tes films, justement, etc. Tu dis que c'était presque une des premières fois où tu avais Moi, c'est une première fois. C'est avec Dominique Étienne Simard. Lui a eu la chance de faire une rétrospective à la Cinémathèque québécoise il y a un an de ça. Mais pour moi, c'était vraiment une première. Alors que ça se passe à Bru, c'est assez magique. Puis d'échanger comme ça. Après, c'est vrai qu'on peut avoir un drôle de sentiment quand on parle de nos films comme ça. On a le sentiment parfois d'être banal ou de raconter des choses simples. Mais je pense que l'exercice est très intéressant. Ouais. Et s'il y a quelque chose que tu dois retenir du festival, est-ce qu'il y a... Moi, j'ai beaucoup aimé l'exercice 1000 Québec. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'un peu inusité. le fait de mettre une série de films avec des approches un peu plus expérimentales et de les mettre comme ça en séquence, un après l'autre, et que les gens rentrent quand ils voulaient dans la salle, ils passent le temps qu'ils veulent, qu'ils s'installent, qu'ils prennent possession du lieu, comme ça. Je trouve que c'est un rapport au cinéma qui est intéressant, puis je trouve que, je salue le festival d'avoir pris ce risque-là. Il y avait un côté presque un peu musée, juste, on rentre dans une pièce, on sait pas trop, on regarde, et puis on voit, puis on attend. Absolument. Pour revoir d'ailleurs le film. Et... Bon, Sabine, on a fait le petit tour sur le festival. Toi, comment, pour le premier festival en tant que délégué général, comment t'as vécu ça? Est-ce que t'as pu voir des séances ou non? Évidemment, c'était le stress de courir à droite à gauche. Tout organisateur de festival, on voit très peu de séances. Donc moi, j'en ai vu deux, mais qui étaient des séances. Hein, une qui était un peu off et la deuxième, c'était la séance chez l'habitant qu'a fait Nicolas Brault, justement. Wow. Qui était très intéressant. Il y avait à peu près 25 personnes. Je les ai comptées à un moment donné quand on était dans le noir. Et je pense que c'est aussi des moments un peu, on va dire, un peu électron libre autour du festival, mais qui ont leur importance. Mais non, comment je l'ai vécu? Moi, je l'ai plutôt bien vécu, même si toute l'équipe est un peu fatiguée, hein, mais il faut le comprendre. Hein, y a beaucoup de choses qui s'enchaînent aussi sur cette période-là. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que c'est une belle édition, de par les retours aussi qu'on a. Ne serait-ce que le tour de table qu'on vient de faire, je trouve que c'est assez, assez intéressant, justement, d'avoir ces retours-là. C'est assez encourageant aussi pour aller sur ces voies-là, que ce soit l'expérience qu'on a faite en Salmonière avec Mille Québec, que ce soit les tables rondes. Tu as évoqué, par exemple... la possibilité de mettre en place sur la critique. Donc on n'a rien fait sur la critique, mais en tout cas ça fait partie des projets, par exemple. Ah d'accord, sur la critique du cinéma d'animation. Donc elle était à Paris. Ah, elle était à Paris, oui. D'accord. Je suis arrivé en milieu de semaine. J'avais cru comprendre que c'était au début. Donc je pense qu'il y a des petits... Voilà, c'est ce que j'avais annoncé d'une certaine manière sur la soirée d'ouverture, c'est que là maintenant le festival est bien implanté, ça fait 5 ans. On a trouvé en tout cas une partie du public qui est les Bruzois. Je pense qu'on peut aller plus loin aussi parce qu'on est vraiment sur toute la métropole, mais ça nécessite de mettre des moyens logistiques supplémentaires pour pouvoir aller au-delà de la métropole, et parce que c'est assez compliqué en termes de transport en commun. Et puis je pense qu'il faut maintenant un peu changer les lignes, ouvrir d'autres lignes de programmation, d'autres réflexions sur le volet professionnel notamment. On se fâche maintenant, comme ça après on ira sur les choses qui vont bien. Allons-y. La compétition, tu le sais, on en a parlé, on va pas faire semblant, on est à bulle de rêve. Aussi, on va pas faire semblant que. Alors, la compétition, je vais commencer à te vouvoyer comme si. qu'on fasse un peu un mélodrame. Non, mais on le sait, il n'y a pas beaucoup de films, il y a quelque chose. Après, à un moment, on m'a expliqué quelque chose de très intéressant, Julien Pareja, donc l'un des organisateurs directement là-bas à Bru, parce que je disais, pourquoi pas prendre. Alors, en effet, Mille Québec était passionnant, mais la salle Molière, parce que moi, des gens justement du public me disaient, c'est dommage, à 20h30, avant, on pouvait voir toute la compétition. Sauf que moi, j'ai vu une salle pleine pour les invités principaux à 20h30. Donc, je me dis que les invités, ça vaut le coup. Et je me disais, tiens, pourquoi pas en salle Molière? Et Julien disait, oui, mais beaucoup de choses nous arrivent en DCP aujourd'hui. Et on ne peut pas montrer ça en salle Molière. Donc, de toute façon, à 8h30, on ne peut pas. Mais il y a quand même quelque chose à faire là. Je ne sais pas si c'est un panorama, je ne sais pas. Mais si oui, c'est, voilà, ça, on y réfléchissait. C'est que je pense qu'il y a un choix qui est fait pour les films en compétition. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a, de plus en plus une production qui gagne à être montrée, en tout cas. Et je suis d'accord avec toi. Et tu n'es pas le seul à avoir fait cette remarque aussi sur le fait de pouvoir montrer. Peut-être que c'est un volet hors compétition. Peut-être que c'est un focus à trouver. En tout cas, une fenêtre supplémentaire à proposer, aussi bien pour les films professionnels que pour les films étudiants, d'ailleurs. On m'a demandé, alors moi j'avais pas fait gaffe, on m'a dit que les projections sont très courtes, 45 minutes. C'est une volonté de l'AFCA ou c'est les comités de sélection qui ont dit les autres films sont mauvais, on prend que ça? Non, alors en fait c'est que les films sont choisis déjà pour être en compétition, et après ils sont agencés en programme à destination de tranches d'âge. Donc c'est pour ça que certains programmes sont plus courts que d'autres. D'accord, donc en fait vous avez, c'est pour ça qu'il y a 170-215 minutes, en fait vous partez là-dessus. Voilà. 215, et ensuite selon, c'est pour ça qu'on a en effet, j'avais pas vu, la séance la plus déprimante donc pour adultes à la fin fait 1h30, et les séances plus sympathiques pour les enfants font 45 minutes. Ou voilà. C'est plus léger. Donc en plus, non seulement vous avez droit au plus dur, mais en plus, on avait plus. Voilà. Non, mais par exemple, typiquement, c'est ça qui va aussi changer sur les années à venir. C'est-à-dire que l'idée était de pouvoir aussi montrer des films en compétition au jeune public. Et ça, c'est important. Et ça, oui. On ne changera pas. Je suis d'accord. Mais rien ne nous empêche aussi de mélanger à d'autres programmes, mélanger à des films de commande, mélanger à des films. Je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses et de proposer des programmes pour le jeune public et du coup d'avoir beaucoup plus de liberté sur les programmes pour les adolescents et puis pour les adultes, évidemment. Je vais râler tu commenteras si tu as envie de commenter. Mm-hmm. Mais c'est pas une obligation, c'est pas un piège. Il n'y a pas de piège, évidemment, à Bulle de Rêve, loin de là. Évidemment, on était beaucoup à être déçus de voir que dans les films de commande, les films de En sortant de l'école, la première saison avait été supprimée, et ainsi que La bûche de Noël, qui est une décision du distributeur autour de minuit, décidant que ce n'était pas des films de commande, mais des films courts, et donc qui n'avaient pas à être dans la sélection. Je trouve ça évidemment fort dommage pour les auteurs, pour cette sélection qui, moi, je trouve passionnante. Et donc voilà. Donc, je ne sais pas si. Toi, tu as envie de dire un mot là-dessus, moi, c'est pas une obligation, non, c'est juste je voulais le dire. Non, parce que c'est important, il faut le souligner aussi, c'est que c'est pas anodin de ce qui s'est passé, en tout cas cette année. Malheureusement, les films ont été retirés tardivement, ce qui nous a pas permis de repenser autrement les programmes. Mais je pense que la question se pose aujourd'hui sur, justement, la place des films de commande, la place des films de télévision, et puis tout simplement, quels critères on donne à ces films-là? Est-ce qu'on est sur des critères de financement? Est-ce qu'on est sur des critères plutôt d'écriture? Enfin, voilà, donc là, il y a aussi une réflexion. À voir. Encore une fois, un des bons films de commande comme En sortant de l'école, ou évidemment La bûche de Noël, c'est passionnant. Je veux dire, on a souvent râlé dans le petit monde du court-métrage en disant oh, les gens de commande, de série. Justement, on a la chance d'avoir des choses extraordinaires aujourd'hui en série, en commande. Il faut se battre pour qu'ils soient dans cette section-là, pour montrer que cette section-là peut promouvoir des choses qui sont de qualité. C'est pour ça que je trouve ça aussi un peu scandaleux. Très très belle séance. Gréco et Buffa. Oui. Très touchante, hein, où ils étaient... Ouais, ce sera ça mon coup de cœur. Ça sera ça ton coup de cœur. Vas-y, Yensang, parle-nous-en un peu alors. Je sais pas. C'était une soirée, hein, 20h30, ouais. Salle pleine. Surtout, salle pleine, ouais. C'était assez incroyable de voir ça. Moi, je pensais pas que. Enfin, connaissant. Moi, je connaissais pas beaucoup. En fait, je connaissais deux films uniquement de Gréco et Buffa. Donc, ils sont difficiles à voir. Ils sont pas trouvables sur Internet. Ils sont en DVD. Donc après, moi j'en ai quelques-uns, mais faut trouver les endroits pour se les procurer. Et c'est vrai, du coup, de les voir là sur le grand écran, en plus avec eux qui étaient présents, qui pouvaient en parler, c'était assez beau, ouais, parce que c'est toujours à la fois un peu difficile, je pense, même pour eux, ça se voyait que c'était un exercice qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire. Et en même temps, ne serait-ce qu'ils étaient là sur scène, en fait, expliquer leur film, on comprenait rien qu'avec leur présence finalement d'où venait cet aspect intimiste et qu'il y a dans leur film, dans leur marionnette. C'était assez, ouais, assez très beau moment, Sabine, en effet, que cette on regarde presque que ça soit pas filmé. Deuxième chose sur laquelle je le dis, puis après on passera sur les bonnes choses. Mais alors, pour ce qui est des captations, on en reparlera. On va chercher les moyens de le faire. Non, moi je n'y étais pas. Ça faisait partie de nombreuses séances. D'accord. Je vais en profiter quand vous en parlez, hein, évidemment. Donc je revis le festival avec vous. Denis Valgadi, tu as dit quelque chose d'intéressant justement où il disait à la fin, c'est lui qui a pris la parole en disant que c'était un beau moment, un moment émouvant, puisqu'en effet, visiblement, il y a même 10 ans, ils auraient jamais pu faire cette séance là donc voilà, très très bonne idée aussi. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit en disant il y a eu un focus sur musique et son, en disant que de toute façon chaque année évidemment il faudrait, de toute façon là c'était un peu exceptionnel, mais qu'il fallait toujours en parler, parce que c'est vrai que c'est important. On en parlera évidemment quand on parlera du travail de Nicolas tout à l'heure, parce que c'est fondamental aussi dans son travail, mais avec plein de choses, pareil pour les enfants, les pépites du clip dont a parlé Clémence, des ciné-concerts, malheureusement j'ai loupé le Joe et Peter's Film and Music Show qui est, avec Joseph Wallace et Peter Vax, Le Garçon et le Monde, enfin plein de choses intéressantes. Le coup de projecteur sur le Québec, on vient de dire à quel point c'était exceptionnel, avec quand même, c'est vrai, vraiment du beau monde, quoi, entre Julie Roy, la productrice la plus affluente presque aujourd'hui de l'ONF. Je te laisse en parler un tout petit peu. Non, mais c'est vrai qu'on a, une très belle délégation sur cette édition, parce que vous étiez à peu près 7, je crois, à être venus outre-Atlantique nous rejoindre, hein, dans la petite ville de Bru. Il faut savoir aussi que on a pu mettre en place aussi ce focus grâce à Antitube. Voilà, qui a quand même. Il faut parler d'Annie Frenette, membre également du collectif Kiwi City, qui a fait un gros travail avec nous, qui était aussi passionné que nous pour monter ce focus-là du festival, et heureusement, parce qu'on aurait eu du mal à le faire sans elle. Donc je profite pour la remercier. D'ailleurs, elle va être encore un peu sur Paris, pour ceux qui veulent la voir. Je savais pas, sinon elle aurait été la bienvenue, évidemment, ici. Non, là, elle est à Saint-Malo, je crois. D'accord. C'est pour ça. Voilà, on sait tout sur Annie. dans plein de monde avec des choses hallucinantes comme Kiwi Stiti, en effet. Peut-être en parler un petit peu, je sais pas, Nicolas. Oui, mais je pense que les performances, animation et musique, là, avec Fred Levasseur et j'ai un blanc de mémoire. Francis Dernay. Mais ouais, c'était assez génial. Hein. Je pense que ça a fait consensus. Ils sont deux personnalités fortes. Et puis, je pense que l'attention était tout de suite là sur la performance. Et puis, ouais, ça a été un beau moment. Ouais. C'était donc voilà, jeune public, bah évidemment, toujours une programmation jeune public qui est importante. Et les secrets de fabrication. Moi j'ai vu celui de Gréco et Buffa en musique avec Alexis Pécharmont. C'était une espèce de happening assez étonnant avec un Alexis Pécharmont showman, pas possible, et Gréco et Buffa disant de temps en temps un mot. Enfin, c'était assez touchant de voir ce mélange entre. Puis pareil, en effet, d'avoir justement les deux membres deux des membres, hein, puisque Annie aussi en fait partie, Francis Darnay, Frédéric Lebrasseur, poser des questions à Alexis Pécharmont. C'était dans la salle et d'un seul coup d'avoir ce ping-pong entre. De style, de manière de faire, etc. C'était assez passionnant. Donc contente ? Contente. Ouais. Fatiguée, mais contente. Ouais, mais ce que je demande, c'est qu'on est fatigué, qu'on se rend compte que c'est ça. Ça a marché. Ça a marché, ouais. Ça a marché, mais il y a encore beaucoup à faire et on va y travailler. J'ai oublié, Ibo Blaster et Bébé Blaster, Louise Druel, voilà, qui est aussi une ancienne de l'ESAT, comme et Valentine et Yann Song ici présents. Ils sont exprès de Roubaix. Ah ouais, ouais. Hein. Donc, c'était bien. Et pareil, la séance chez l'habitant, tu nous en parles un tout petit peu, Nicolas ? La séance chez l'habitant ? Ben, ça a été. Je ne savais pas à quoi m'attendre, en fait. Je ne savais même pas comment ça pouvait se décliner. Mais j'ai fait des belles rencontres. Il y avait beaucoup d'enfants. Les enfants étaient captifs, regardaient mes films, puis avec une attention, ils découvraient des choses dans les projections, beaucoup de réactions, aussi des discussions intéressantes après la projection sur des films, un projet de film que moi qui me trotte dans la tête depuis un moment, qui prend place en Afrique, en fait, dans la région d'Itouri, qui est une forêt. Et étonnamment, la personne chez qui on faisait la projection, cette personne vient de là. Et c'est sa culture, c'est son peuple, c'est le peuple de la forêt d'Itouri. Alors, c'était magique. On a discuté pendant une bonne demi-heure sur un projet de film que j'ai en tête. Alors, ça, c'était. Des vraies rencontres magiques, incroyables, ouais. Mm-hmm. Wow. Ça, c'est agréable, non? Quand on est responsable d'un festival, en tout cas qu'on se dit que des rencontres par hasard se font. C'est que ça prend, en fait, c'est ça. Et puis même, moi, ce que j'étais assez... j'avais encore jamais fait de séance chez l'habitant à Bru. Et moi, j'étais étonnée, mais dans le bon sens du terme, par la pertinence des questions, en fait. Mmh. C'était vraiment... Il y avait une véritable curiosité, ça allait dans le détail. C'est pas juste merci d'avoir montré les films, c'est on en discute, on va jusqu'au bout, on essaye de comprendre la pratique. Et c'est cette proximité-là qui est une véritable richesse, quoi. C'est très précieux et je pense qu'il faut faire en sorte de la conserver, en tout cas. Vous l'aurez compris, c'est un festival dans lequel il faut que vous alliez. En effet, comme dit Clémence, on aimerait bien qu'il consiste pas tant que ça, qui reste un peu assez à ce niveau-là. On a de la chance, il n'y a pas trop d'hôtels, donc faut aller sinon à Rennes et tout. Donc avec un peu de chance, il va rester, même si je suppose que les organisateurs aimeraient bien qu'il y ait encore plus de monde dans la salle, mais c'est vrai qu'il peut y avoir cet équilibre. Ça peut être intéressant, on va faire une petite pause. Je vais essayer de tenir un peu pour qu'on ait des pauses musicales un peu dans cette émission. Valentine, la dernière fois, oui, tu fais pas cette pause musicale, donc maintenant je fais attention. On va faire une petite pause musicale et on va revenir après pour parler plus de l'AFCA et de Sabine. On écoute en attendant Yoon Soon Ah dans My Favorite Things. Tied up with strings. of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my things when I'm feeling sad. I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Donc my favorite things, évidemment, célèbre morceau, surtout connu évidemment pour l'interprétation de John Coltrane, mais à la base comédie musicale, My Fair Lady, donc voilà, superbe, et là chanté par Yoon Sun Ah de Corée du Sud, donc le faux hacker qui fait croire qu'il est de Corée du Nord, évidemment, qu'avait ça, parce qu'on se doute bien que c'est une connerie, et que c'est évidemment pas la Corée du Nord, c'est un type aux États-Unis, au Texas, qui a fait cette connerie-là, et là, ça l'a un peu dépassé, donc voilà. Mais je disais un truc qui était pas mal, c'est que c'était dans Gorafi, évidemment, qui disait Hollywood a décidé d'arrêter le cinéma. Et je me disais, ça pourrait être une bonne chose si Hollywood arrêtait une grande partie de son cinéma et toutes ces conneries. Je pense que ça pourrait redonner un peu de plaisir au cinéma. Ça sera sûrement pas le cas. Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, métier des arts et de la culture, médiation, création, communication entre 2004 et 2007. Assistant de coordination et de communication des cinémas indépendants parisiens en 2005. C'est les débuts de Sabine, qui s'attendait pas du tout évidemment à ce que je sorte ça. On a une bulle de rêve ici, on a un peu l'espèce de truc investigation. Je vois ça. Donc déjà dans les cinémas indépendants parisiens, bon je sais pas si métier de la culture, tu faisais un peu d'anime. Qu'il faut retenir surtout. Non mais il y aura d'autres choses. Non mais après, en effet, assistant de coordination et administratrice de programmation à l'AFCA entre 2007 et 2006-2007, donc Auch. Déjà. Exactement. Bénévole à Bru, donc 2010-2011. Donc déjà un peu plus d'animation. Il n'y en avait pas du tout quand tu étais cinéma indépendant parisien. Pourtant, il y a un peu d'animation, mais non, c'était si, pas. Si, il y en avait, mais les cinémas indépendants parisiens, c'était un stage, donc c'était pas autre chose. Moi, il faut savoir que. Comment ça s'est passé mon arrivée à l'AFCA en 2007? C'est ça que tu veux savoir, en fait. Bah non, c'est vrai. En fait, ça remonte un petit peu avant, où avec un ami étudiant, on a monté une association qui s'appelait Parole d'Image pour travailler autour de la médiation des images en mouvement. Donc toutes les images, que ce soit les images cinématographiques, publicités, journaux télévisés, etc. Et par ce biais-là, on a découvert la Cinémathèque scolaire Robert Linen. Et là, j'ai découvert des petits trésors, parce que j'ai découvert notamment les films de Len Lai. Et on a commencé à monter dans le milieu étudiant principalement des programmations spécifiques à partir de ce fonds-là. Et on avait monté notamment une séance spéciale McLaren Lenly, puisqu'il y avait les deux aussi qu'on trouvait là-bas, qu'on avait terminé par un atelier de grattage sur pellicule. Donc moi j'aimais déjà le cinéma d'animation à l'époque, même si j'étais quand même moins dans le milieu. Et puis c'est comme ça aussi que du coup je suis allée à Annecy. En allant à Annecy, j'ai entendu parler de l'AFCA. Et du coup, je suis allée à l'AFCA. Je sonnais à la porte, j'ai vu de la lumière dans la boutique jaune. Je fais, est-ce que vous recherchez quelqu'un? Et puis du coup, voilà, j'ai été en mission pendant 9 mois à l'AFCA en 2007. Avec donc Michael Bach, c'est ça, qui était encore Michael là à Bach l'époque, Olivier Catrin. Ouais, Michael, elle est restée une semaine en fait. J'étais là au moment de son départ. D'accord. Voilà, mais avec Olivier Catrin, Marina Féodoroff à l'époque et Bernadette Broussal. D'accord. Voilà. Donc, les premiers pas réellement, alors là-dedans, l'AFCA, on verra évidemment après. Ensuite, quand même important, co-direction de l'association Silhouette, et notamment du festival aussi, qui est important. Silhouette. Donc, il se passe. Gros investissement, où c'est. Bon, après, je pense qu'au bout d'un moment, on va le comprendre. Moi, j'ai un fort investissement associatif, parce que je crois au modèle associatif. Et puis surtout, c'est des modèles associatifs qui défendent des formats qui doivent être défendus, tels que le court-métrage. En particulier, l'AFCA, c'est plutôt le court-métrage d'animation, enfin, mais plus largement le cinéma d'animation. Et Silhouette, c'est un investissement de plus de 7 ans, au sein d'un collectif, pour mettre en place justement le festival Silhouette, qui est un festival de court-métrage gratuit en plein air qui se déroule tous les ans dans le 19e arrondissement, qui a changé de parc, qui avant était au parc des Buttes-Chaumont et qui maintenant est au parc de la Butte du Chapeau Rouge, mais qui s'est vraiment implanté là-bas. Et c'est un travail de longue haleine que de défendre le court-métrage, mais en même temps il y a une formule qui a été trouvée avec Silhouette, et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment dans l'idée de descendre le court-métrage dans la rue, d'abattre un peu ses frontières symboliques, celles de la salle de cinéma, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est que les gens vont pas, en tout cas il y a beaucoup de gens qui vont peu au cinéma, ils y vont encore moins pour aller voir du court-métrage. Donc c'est l'idée aussi de leur dire, bah venez, vous êtes dans un parc, vous y passez, vous regardez, vous partez, vous faites votre choix, vous êtes maître en tout cas de votre soirée. Et puis c'est l'idée aussi d'avoir un événement convivial, puisqu'il y a des premières parties de concert, et puis il y a un gros travail qui est fait autour de la programmation, parce que Silhouette, il faut le voir un petit peu comme une école, d'une certaine manière. C'est qu'on y fait un peu ses armes, moi je les ai faites en tout cas. Et peut-être que c'est pour ça que je suis là maintenant à l'AFCA, j'en sais rien. Mais quand je suis un peu dans le milieu du cinéma, on me dit, mais Silhouette, c'est une mafia en fait. Vous êtes partout. Parce que c'est vrai, en fait, on a beaucoup appris les uns avec les autres sur ce que c'est que de monter un événement cinématographique, ce que c'est que de faire de la programmation, ce que c'est que de travailler en collectif. Et du coup, on se retrouve un peu partout. Certains sont à l'agence du court-métrage. Attends, excuse-moi, j'achève Rémi. Et... c'est bon. Aïe. Pardon, Sabine, vas-y. C'est le Stollen, je ne sais comment ça s'appelle, il a étouffé. Non, mais c'est ça, c'est qu'on se retrouve un petit peu partout dans le secteur cinéma, plutôt francilien, mais c'est un parcours qui est assez intéressant à mener. C'est de passer par l'associatif. En tout cas, moi, je le revendique haut et fort. Passer par l'associatif, ça vous enrichira, mais 1000 fois. C'est pour ça que ce côté associatif, évidemment, à l'AFCA est important. Oui. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à essayer de devenir délégué général de l'AFCA ? Qui est à la fois un truc passionnant, qui est à la fois un truc un petit peu poussiéreux. On se dit, wow, allez, je fonce et je vais rentrer dedans. On a connu du monde et on se dit, non, c'est vraiment quelque chose d'important. Comme tu le dis, il y a le côté associatif où on se dit, non, ouais, là, c'est vraiment, c'est de l'associatif, c'est de l'animation. Beaucoup de choses que j'aime, je fonce. Bah, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que moi, là-bas, j'étais un petit peu ressortie du cinéma. J'étais plutôt sur l'éducation populaire, la création participative, etc. Puis bon, il y a eu cette opportunité à l'AFCA, mais c'est déjà... toujours, c'est le modèle associatif. Moi, c'est quelque chose que je défends sur ce travail en collectif, mais vraiment le modèle associatif, parce qu'on parle de modèle associatif, mais la Cinémathèque, c'est une association, le Forum des images aussi, mais c'est autre chose encore. Là, on est sur une pluralité des statuts au sein d'une structure, que ce soit des salariés, des bénévoles dirigeants, membres du CA, que ce soit aussi des personnes en service civique ou des stagiaires, et je pense que c'est ça aussi qui fait la force d'un projet. C'est d'avoir une émulation comme ça avec la diversité de statuts, des gens qui viennent de tous horizons, qui sont là pour défendre d'un projet commun. Bon, ça c'est sur le papier. Après, il faut mener aussi un peu la barque. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'AFCA, il y a un potentiel énorme. Il y a un potentiel énorme parce que le cinéma d'animation, enfin surtout depuis les 15 dernières années, est en développement, mais avec un développement assez incroyable. Et je pense qu'il faut le porter, ce développement, il faut l'accompagner aussi bien sur la question de la diffusion auprès des publics, et plus que jamais, c'est l'expérience aussi que j'avais à Silhouette pour le court-métrage, mais plus que jamais, il faut accompagner la diffusion de ces films-là, qui méritent en tout cas d'être diffusés à un plus large public, en tout cas. C'est vrai que là, on est un peu, malheureusement, dans le cinéma d'animation, sur un délit d'initié. Alors, Les deux choses qui fonctionnent super bien à l'AFCA en ce moment, il faut le dire, et ça tombe bien parce que c'est ce dont tu parlais, la fête de l'animation et le festival de Bru. Et justement, on n'est plus dans un... Alors là, on est dans vraiment l'idée non plus d'être entre nous, comme tu dis, hein, d'avoir, mais là, c'est de le porter au plus de monde possible. Et c'est pour l'instant les deux choses qui fonctionnent le mieux. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Bah, en tout cas, ça fonctionne, et fonctionne le mieux, je sais pas, le temps nous le dira, hein, c'est un peu court comme délai. Mais en l'occurrence, je pense que ça fonctionne, et mais il faut aller plus loin. Oui, mais ça fonctionne déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on a une fête de l'anime. Il y a une nouvelle responsable aussi. Tout à fait, Jeanne Dubos, qui est voilà, qui arrive aussi, qui elle n'est intéressante parce qu'elle n'est pas du tout dans l'animation. Et oui, c'est ça qui est bien. Vient du documentaire, donc évidemment, elle découvre aussi pas mal de choses. Et quand je dis ça marche bien, c'est parce qu'en effet, d'un seul coup, là, le festival, un, fait plaisir aux professionnels en montrant des choses et à la fois essaye de toucher aussi un public plus large en amenant Gréco et Buffa, par exemple, là, à Rennes, enfin à Bru, et Lansac et Leroy, un peu partout en France. Toi-même, tu les as accompagnés lors de la fête de l'anime. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui. Alors, je me permets de le dire, qui fonctionne très très bien. On peut toujours faire mieux, mais au sein de l'AFCA en tout cas. Oui, oui, ça fonctionne bien sur ce volet-là de diffusion. Je pense que ça fonctionne bien. En tout cas, ces deux événements ont leur place aujourd'hui. Donc après, c'est à nous de le réorienter, de le penser aussi autrement, de le développer davantage. Parce que on est aussi, je prends l'exemple de la fête du cinéma d'animation qui maintenant est vraiment repérée hein, dans le paysage culturel et cinématographique. Mais où c'est, on doit le développer davantage aussi en région. C'est-à-dire qu'en Île-de-France, il y a quand même beaucoup de choses et c'est à nous de travailler. Voilà, on n'est pas à l'AFCA, c'est une association nationale, pas une association régional. Le lien avec le mois du documentaire est important cette année aussi. Oui, très enrichissant. Enfin, on a pu travailler autour de films assez exceptionnels, que ce soit les films de John and Faye Sobley et puis de Paul Feirlinger aussi. Donc c'était une belle occasion d'amorcer une collaboration qui vraisemblablement va se poursuivre. Qu'est-ce que toi tu... Moi, il y a des choses qui je trouve moins bien à l'AFCA, mais c'est pas forcément, encore une fois, t'es pas là pour ça, mais qu'est-ce que toi t'as envie d'amener, envie d'avancer à l'AFCA? Qu'est-ce qui te voilà, donne de l'énergie pour te dire « Ah, voilà, il faut que je fasse ça et ça à l'AFCA ?» Je pense que moi, ce que j'aimerais faire, en tout cas ce que j'aimerais amener, ce serait de nouer davantage de liens avec le secteur professionnel, mais aussi sur les pré-professionnels d'une certaine manière. Enfin, on en discutait évidemment, mais sur avec les étudiants des écoles de cinéma d'animation avec qui on a perdu un lien. Voilà, il y en a toujours quelques-uns qui sont adhérents, bien évidemment, mais il y a quelque chose qui il y a plus de lien, il n'y a plus d'intérêt en tout cas à ce qu'on peut s'apporter les uns les autres. Et là, je vais parler de ce qui s'est passé à Bru, c'est qu'on a eu un rendez-vous parce que il me semblait que c'était important de pointer ça du doigt, un rendez-vous autour de la question de l'intermittence. Donc c'était une table ronde avec différents représentants de la coordination, la CIP, là. Coordination des intermittents et précaires, je vais y arriver, pardon. Et en fait, il s'avère qu'on était une vingtaine, un peu plus de 20, et il s'avère que les publics, c'était des étudiants. Donc c'est assez révélateur. Ça veut dire quoi? Que même on a beau leur en parler dans le cadre de leur cursus, et encore pas tous, c'est qu'il y a aussi un besoin d'accompagnement sur l'année, en tout cas, ou la période qui suit leur sortie des écoles. Et c'est ça aussi qu'on va monter à travers l'observatoire et le centre de ressources de l'AFCA, c'est que on est en train d'étudier la possibilité de mettre en place un guichet d'accompagnement. Donc voilà, c'est quelque chose quand même d'assez lourd. Et sur l'année 2015, on va mettre en place plutôt des rendez-vous ponctuels. Alors, un en Ile-de-France, puis un autre ailleurs aussi, pour justement présenter les différentes, l'ensemble des démarches, en tout cas, qui seront celles des étudiants qui sortiront de l'école. Yann Song, Valentine, je sais pas, Yann Song, je sais que toi, t'en as beaucoup parlé aussi. T'étais à cette rencontre, non, si je dis pas de bêtises, ouais, en tout cas, avec notamment Laurent Moing, je sais pas si Valentine, tu veux dire quelque chose? Déjà, Yann Song. Juste, est-ce que ce que Sabine en fait, est intéressant, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui manque en effet dans les écoles et là, il y a les anciens professeurs qui entendent. Non. Non, mais c'est vrai. Je pense que ça manque dans toutes les écoles. Oui, donc. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est comment dire. Enfin, je tire le chapeau à l'AFCA si il s'engage à faire ça, parce que c'est vrai que dans les écoles d'animation. On nous parle quasiment pas ou très peu du statut d'intermittent, alors que c'est le statut qu'en fait tous les techniciens d'animation, auxquels tous les techniciens d'animation vont devenir. Quoi. Donc après c'est et je pense le problème, c'est ce qu'on disait, c'est que le problème, je pense, dans les écoles, c'est que c'est qu'en fait les professeurs eux-mêmes sont pas forcément très au courant de ce. Oui, ils sont pas forcément eux-mêmes intermittents. Voilà, quelques-uns. En fait, ceux qui en parlent, c'est surtout les intervenants. Et sauf que les intervenants, c'est pas forcément leur, c'est pas leur rôle en fait de faire ça. Donc Donc voilà, c'est vrai que si l'AFCA peut être la plateforme en fait pour amener ça, ça serait super quoi. Après, et puis du coup ça pousserait ce qu'il faudrait, c'est juste après dire que l'AFCA existe auprès des écoles, qu'il faut adhérer et voilà quoi. Et moi je dis ça, mais moi personnellement je vais adhérer qu'à partir du festival de Bru. Donc justement c'est aussi là que l'occasion que le festival c'est une super chose pour ça quoi. Ça permet de voir physiquement. Enfin voilà, de voir à quoi sert un festival, voir à quoi sert une association comme l'AFCA. Et moi, personnellement, je le dis, je m'en rendais pas forcément compte jusqu'à Bru. C'est vrai que voilà, je voyais. Valentine, toi aussi, tu me disais à un moment donné, je me rappelle, mais pourquoi. Non, mais c'est intéressant de lire même justement par l'AFCA, pourquoi s'abonner à l'AFCA. Oui, il y a une réduction de temps à autre sur l'animabus ou des choses comme ça, mais qu'est-ce que fait réellement l'AFCA, quoi? Non, mais c'est vrai que ça a été hyper intéressant de pouvoir suivre ça. Merci. Parce que, ouais, c'est vrai, enfin, là, on se lance dans le monde professionnel, etc. Et on ne sait pas à qui s'adresser déjà. Enfin, moi, je me suis adressée à tout ce qui existait. Je demandais à la Maison des Artistes. Enfin, je ne savais pas à qui demander. Ce que je devais faire, quoi, comme démarche. Enfin, c'est hyper compliqué quand tu arrives et puis les gens te donnent pas de renseignements vraiment concrets. Ils te disent juste, genre, bah, c'est pas nous. Tu fais, ah, d'accord. Alors que là, vraiment, c'était très pointu. Enfin, on sentait qu'il y avait plusieurs directions qui étaient possibles. Enfin, il y a plein de choses qui ont été abordées en très peu de temps. Et c'était super intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose qui manque beaucoup. Enfin, on nous forme à plein de choses en nous disant vous allez être des professionnels, etc. On parle beaucoup de la renommée des écoles, mais on pense pas à ce que vont devenir réellement les élèves en sortant des écoles. On se dit pas que ils vont devoir payer des impôts, ils vont devoir cotiser, ils vont devoir plein de choses. Et au final, c'est de la vie quotidienne de plein de gens. Mais on se rend pas compte à quel point c'est hyper dur d'y rentrer, quoi. Enfin, il y a tellement de démarches compliquées quand on se retrouve tout seul. Face à ça, enfin, moi personnellement, je suis encore complètement à côté de la plaque. Donc Sabine, c'est intéressant. Donc ce lien avec les étudiants à reprendre. Mmh. Je pense qu'avec les pros, il est déjà un peu repris, grâce justement à la fête de l'anime et le festival de Bru. Les pros comprennent un peu plus à quoi servent l'AFCA. Pendant longtemps, ça a été leur questionnement aussi, hein, de savoir. Moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est la lettre de l'AFCA qui est passée semestrielle. Avant, c'était pendant tous les trimestres. Alors, ça marchait pas tellement. Elle est passée semestrielle pour des raisons de calendrier, juste pour cette D'accord. fois. Mais c'est surtout qu'elle est passée à la couleur. Oui, c'est pour ça. Et puis je la trouve. Non, mais et puis non. Alors, allez, je vais dire un truc. Elle est passionnante. Non, mais sincèrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le. Je sais pas si vous l'avez lu, certains, Nicolas. Oui. Hein, avec un petit texte. Moi, j'ai découvert la lettre un peu sur le tard. Et puis, c'est une belle découverte quand même. Et c'est des textes qui sont à la fois accessibles et profonds aussi. Donc, c'est une belle balance, je trouve. Ce qui fait qu'on peut aller en profondeur sur des sujets qui sont un peu plus, peut-être, théoriques ou autour de l'animation. Mais tu as aussi, en tout cas, ça touche à un spectre assez large. C'est intéressant. Ouais. Il y a des notes inédites de Face Blay. Il y a un dialogue entre Carole Vrona, que je connaissais pas, et Cécile Nolessaire, donc de l'AFCA, à propos du Gondry, Chomsky-Gondry, des vrais textes de Julie Roy, un texte de Nicolas. Là, il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que d'un seul coup, elle devient. Ça devient un petit magazine qu'on a envie de garder. Mais c'est tout le travail de Cécile Nolessaire que tu viens de citer, qui coordonne justement la rédaction de cette lettre et grâce aussi au partenariat avec les Gobelins qui nous ont permis d'avoir la couleur. Donc c'est vrai que c'est une force et ça va nous permettre aussi de développer davantage l'ensemble des rubriques qui sont présentées. Là, par exemple, sur le dernier numéro, on a parlé notamment des logiciels libres. Donc c'est aussi des fenêtres, en tout cas, qu'on va essayer de conserver, en tout cas, sur ces réflexions-là. Le temps passe trop vite. On arrive quasiment à la fin, on a même évidemment comme toujours dépassé un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire? Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui te paraît important qu'on n'a pas dit? J'espère que c'est pas évidemment ta première visite, mais que tu viendras de manière régulière ici. Ça va, je ne suis pas traumatisée. non, ça se passe finalement bien. Non, mais juste rajouter une chose aussi, c'est que 2015, ça va être aussi une année. Tu parlais de poussière, bon, mettons, mais c'est moi, hein, je me permets. C'est que au printemps de l'année prochaine, les sites de l'AFCA vont être, les sites internet de l'AFCA vont être refondus. Donc ça va permettre, en tout cas pour le site principal, je parle pas de celui de la fête ni celui du festival, mais d'être une véritable plateforme de ressources avec des documents à télécharger aussi pour les adhérents, que ce soit en termes de démarches, que ce soit en termes de dossiers pédagogiques pour des dossiers, la lettre aussi pourra être téléchargeable. Enfin voilà, donc on travaille à cela. Je les ai poussiéreux d'abord, hein, parce que vous savez qu'on j'ai toujours plein de choses à ce micro et un peu ce que je pense, et heureusement on continuera, j'espère. Poussiéreux parce que je pense que l'AFCA est quelque chose de formidable. Je pense que les gens ne comprennent pas que vous êtes très peu, quand même, faut le dire. Vous êtes quoi ? 5,5. Hein, voilà, donc c'est pas énormément pour faire. C'est même très très peu pour faire tourner tout ça, donc ça il faut le dire. Évidemment, il y a plein de choses qu'on, chacun d'entre nous, on a envie qui se passent, on se dit, ah, faudrait plutôt faire avancer ça et faire avancer ça, et c'est un équilibre et qui n'est pas évident à trouver. Non, c'est pas évident à trouver, mais je pense qu'il faut. Il faut absolument partager en tout cas ces avis et ces réflexions-là. C'est-à-dire que nous, on est la tête dans le guidon, on monte les projets au fur et à mesure. Et je pense que ça nous fait aussi du bien d'avoir des retours extérieurs et de pouvoir tout simplement se les approprier et pouvoir un peu monter des projets en fonction des retours qu'on a. Donc c'est vrai que c'est important de participer, ne serait-ce qu'à l'Assemblée Générale, pour faire part de ces réflexions, de nous envoyer un mot, de prendre rendez-vous avec nous. Vraiment, il ne faut pas hésiter, vraiment. On m'appelle, et je prends rendez-vous, j'ai des choses à dire. Alors, pas à l'approche du festival ni de la fête, mais sinon en dehors de ces périodes-là, il n'y a aucun problème. Ça a été évidemment trop court, Sabine, mais je suis ravi, on est ravi de t'avoir eu ici. C'est très sincère, comme vous l'avez dit, je dis toujours ce que je pense. Et en effet, je pense que l'AFCA, aussi bien avec toi, avec Jeanne, avec Cécile, les gens qui sont à Bru, bien évidemment, et tout, a pris une tournure qui est intéressante, qui est passionnante. Quand je dis poussiéreux, j'aime beaucoup les gens qui sont là avant. Il y a des gens non seulement que je respecte énormément, comme tout le monde le sait, je le dis souvent, Olivier Catrin, par exemple, qui a été là pendant des années, qui est encore là et qui fait beaucoup de boulot. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de difficile, l'associatif aussi, parce qu'il y a des gens, un comité d'administration qui veut chacun des choses un petit peu différentes, il y a plein de monde, et que c'est difficile, et que je sens sincèrement une espèce de vent un peu frais qui arrive avec l'AFCA, et donc ça fait du bien. Donc merci, et surtout bon courage. Merci pour l'invitation, et puis à très bientôt. Alors. À très vite, oui. Merci beaucoup, Sabine. On va faire le morceau d'avant, hein, était une espèce de semi-cadeau pour Yen Song, c'est Noël. Donc voilà, My Favorite Things. Celui-là, je ne sais pas si ça va être un semi-cadeau, parce que j'ai un peu stalké, j'ai regardé un petit peu à droite et à gauche, donc ça se trouve, ça ne va pas forcément plus lui faire plaisir que ça, c'est pour Nicolas a priori. C'est Tom Waits, donc Jockey Full of Bourbon, qu'on connaît, qui est notamment le tout début. En fait, moi j'aime beaucoup, j'ai pris celui-là de Tom Waits, hein, c'est surtout Tom Waits que j'aime beaucoup, parce que c'est le début notamment de Down by Law de Jim Jarmusch, avec ce long travelling comme ça, absolument magnifique. Et on écoute donc ce morceau qui est le 5 et le morceau 6, Nicolas. Merci beaucoup, on se retrouve pour parler du cinéma de Nicolas Bro. Juste après. Radio Libertaire, donc bien évidemment. J'ai oublié de donner le numéro. Tiens, tu pourrais donner le numéro, Rémi, ouais, parce que c'est, je demande ça à Valentine, ça fait un peu... C'est le 01 43 71 89 40. Voilà, vous n'hésitez pas, évidemment, vous pouvez appeler si vous avez quelque chose à dire. Radio Libertaire, l'émission 100% animation, Bulle de rêve, l'émission 100% animation sur Radio Libertaire. Et donc Nicolas, merci beaucoup encore une fois d'être là. On a entendu un tout petit morceau d'un morceau d'un... Ben oui, on va parler un peu plus tard. Ben qui oui. s'appelle Ungu. Ungu, c'était le son de Berimbau. Ungu est un de ses noms africains. Voilà. Alors on va en parler un tout petit peu après. On va d'abord arriver sur l'avenue de dans l'animation. Alors là, pour le premier film que j'ai vu, hein, vous avez évidemment, vous allez sur The Web Anime, vous allez sur le site de Nicolas qui est en lien, et vous avez une grande partie des liens sur ces films hein, qui sont en ligne. On commence par un film très curieux de 1999 qui s'appelle L'œil. L'œil, oui, mon premier film. Ouais, c'est ça, ouais. À l'Université de Québec à Montréal, l'UQAM. Oui, à l'UQAM. Un film que j'ai fait. En fait, ça a été ma première. En fait, j'ai fait un film avant L'œil. Qui a pas marché. C'était une co-réalisation, un truc que j'ai complètement oublié. Mais après cette expérience-là, j'ai fait ce film-là, L'œil. Ouais. Alors quand j'ai dit c'est un film curieux, on a déjà beaucoup de choses qui sont les obsessions de Nicolas Bourg, qu'on va voir dans les autres films. Il y a déjà les oiseaux, même ça peut paraître... Voilà, il y a ça. C'est une espèce de travelling. Oui. Mais déjà, un oiseau, quand je regarde mes premiers films, je me dis, est-ce que... Puis je me rappelle que Marcel Jean, qui était directeur, producteur et directeur à l'ONF, là, me disait, mais qu'est-ce que c'est? C'est des oiseaux. On n'arrivait pas, à définir qu'est-ce qu'était ce personnage. Mais oui, un oiseau. C'est un oiseau, donc c'est un œil, une espèce d'œil prédateur qui mange un peu tout ce qui est autour de lui, qui devient, en fait, qui se greffe plus ou moins sur... Oui, le personnage, un oiseau impossible à manger par contre. C'est ça. Je pense que c'était l'exercice, si je me rappelle bien, j'avais envie d'expérimenter le mouvement tout simplement. C'était un peu un prétexte finalement pour apprendre l'animation, parce que moi je suis autodidacte, donc c'était l'idée d'essayer de faire bouger des personnages avec une personnalité, des intentions, tout ça. Je me rappelle que j'étais devant mon miroir, puis je me disais, ok, un cycle de marche, ça doit on va essayer de décomposer le mouvement. Donc j'étais là-dedans. Je me rappelle, je restais dans un tout petit appartement, il y avait mon ordinateur, mon miroir, et mon lit juste à côté. Et puis, je crois que ça a pris 3 mois à faire. Alors, ce qui marque énormément, en effet, c'est ça, c'est le rythme. Alors, on est sur une musique. Alors, je pense pas qu'il y avait les droits, hein, des New Morricone repris par John Zorn. D'ailleurs, il n'y a pas eu de distribution. Ouais. Ça a été présenté à Ottawa, quand même, en compétition étudiante. Oui, parce qu'il y a vraiment un rythme, on sent de suite. Ouais. L'envie du rythme qu'on va retrouver ensuite dans les autres films. Il y avait un storyboard, En fait, il y a eu un storyboard, mais en fait, c'était un synopsis assez court. Ça s'est fait dans le cadre d'un cours à l'UQAM, justement, un cours d'option, d'initiation à l'animation. Donc, je pense que j'ai eu le OK assez rapidement de mon professeur, puis bon, je me suis tout de suite mis à animer, parce que c'était vraiment l'animation qui m'appelait, plus que l'histoire même, déjà. C'est vraiment l'idée de rythme, comme tu dis, c'est vraiment l'idée de bouger, faire bouger les choses, de comprendre... Ouais. L'attitude, je sais pas, une forme d'émotion ou d'atmosphère qui se dégage du rythme, du mouvement, c'est ça. J'associais, je pense, beaucoup le mouvement à l'émotion, donc c'est ça. Donc ça fonctionne vraiment bien sur ce premier film. On a en 2000 un film, a priori, alors je sais pas si c'est le film dont tu parlais, mais qui n'est pas trouvable, La clé est au sommet du dragon. Ouais, mais ça a été une expérience... pour un festival qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Dérapage, qui a commencé, je crois, en 97 ou en 98 à l'UQAM, qui donne la chance finalement à tous de présenter un film expérimental de moins de 3 minutes, donc des films non narratifs. Donc ça a été un film que j'ai fait en un après-midi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on le voit pas. Non, on le voit pas. Je le garde pour moi. Peut-être qu'un jour je le montrerai. Et en 2001, on a toujours à l'UQAM. Donc Vermino, est-ce que là il y avait plus déjà d'animation ou c'était toujours dans le cadre optionnel ou tu t'étais mis dans un... Vermino, c'est un projet qui est que j'ai fait après mes études finalement. D'accord. Mais qui était toujours attaché à l'UQAM parce que mon professeur me suivait toujours. Ah, c'est pour ça qu'à la fin il y a marqué UQAM. Oui, c'est ça. Mais, ouais, d'accord. Mais au final, c'est pas un projet qui a été noté vraiment dans le cadre d'un cours. Ouais. On a l'impression que là, d'un seul coup, il y a la volonté d'aller sur autre chose. On a un plan fixe. Ouais, un plan fixe, mais encore là, un personnage où la démarche est importante, où il y a une espèce de jeu avec des. Bon, il y a une falaise, il y a un péril, et puis il y a des espèces de mouches qui tournent autour du personnage. Et puis l'idée, c'est finalement de faire une chorégraphie, finalement, avec ce moment qui est un peu improbable. Alors, la musique est de Léon Lowe. Enfin, est-ce qu'elle a été faite avant? Parce que c'est vrai qu'il y a un travail là de ouais. rythme qui est assez étonnant. Non, ça a été fait ensuite. Ça a été fait, oui. Ça, c'était un ami à moi dans le cadre de mes études. Puis, donc ça s'est fait comme ça, spontanément, après. Donc ouais. Pareil, le rythme était... T'as travaillé avec, encore une fois, un storyboard là précis, par contre ou... Ouais, là, le storyboard était plus défini. Mais encore là, je pense qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Mes animations m'amenaient à changer mon storyboard et donc il y a eu beaucoup d'allers-retours de ce côté-là. Je pense pas que j'ai jamais eu de... jusqu'à aujourd'hui. Peut-être le cirque quand même était bien écrit et puis bien structuré. En fait, tous les plans étaient définis à la base parce qu'il y a eu un tournage plus conséquent avec des acteurs et tout. Mais sinon, mes projets se construisent beaucoup en cours de route. Ce qui est pas toujours facile. Parce que ça peut, c'est peut-être plus difficile pour les producteurs de cerner exactement là, vers où le projet s'en va à certains. Ouais. Ça peut être compliqué, ça. Oui. Ben, je pense que oui, parce que c'est toujours une prise de risque où il faut faire confiance au réalisateur. Puis bon, c'est pas toujours dit qu'on peut. Hein. On voudrait parfois faire confiance, mais il y a des contraintes monétaires et tout. Donc. Il y a un vrai jeu d'accumulation de personnages. Dans ce film de répétition qui à la fois, je trouve ça étonnant, nous perd. On ne sait plus trop si on suit une narration à un moment donné où on est fait, comme tu disais, un superbe jeu de rythme, enfin voilà, où on est sur quelque chose et on est presque sur des personnages, on est sur du figuratif. Oui. Mais une figurative qui pourrait presque... Je ne sais pas si c'est d'abstraction, mais en tout cas plus un jeu rythmique. On revient sur ce mot-là. Ouais, ouais. C'est ça. Puis je pense qu'encore, mes personnages étaient plus ou moins définis. On ne sait pas exactement... on peut définir une forme, là, je ne sais plus. Là, c'est à mi-chemin entre un personnage humain et animal, ou un ours. Ou moi-même, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais qu'il était assez volumineux, puis... Et lourd, c'est ça que je me rappelle. C'est un personnage lourd. Et on le sent, parce qu'en effet, il y a des poissons qui arrivent et qui d'un seul coup apparaissent de ces poissons, d'autres personnages. Enfin, il y a tout un jeu comme ça, à la fois un peu nonsensique. Je trouvais que c'était à la fois un univers un peu sombre, où on est un peu mal à l'aise, et très bizarrement à la fois ludique. Ouais, je pense qu'il y avait une histoire... autour un peu de la maladie, en fait, dans ces deux projets-là. Il y a comme un péril, et puis il y a des parasites. Donc, et des situations improbables, dont ces poissons qui surgissent de la falaise, là, comme ça, sous le poids du personnage dans ses déplacements. Et on n'associe pas... on essaie de faire sens avec quelque chose qui, a priori, en a pas. Et mais il y avait quand même l'idée, je pense, de traiter la maladie là. Mais on sent ce côté sous-jacent, on sent ce côté avec toutes ces mouches qui se repassent d'un à l'autre. Et encore une fois, j'étais surpris, on va le voir sur d'autres films, justement, ça pourrait vraiment dessus être lugubre, être juste dur pour être dur, juste un peu coup de poing, on va dire. Et il y a un tel jeu du rythme et un tel plaisir de se dire, tiens, comment ça va arriver, puis de rentrer dans le cadre, de sortir, etc., qu'on se laisse facilement emporter aussi par ce... Je pense qu'il peut avoir un effet hypnotique. Je pense que la musique, la musique répétitive fait ça aussi. On se met dans un état... de transe légère, si on veut, et puis on se laisse porter, finalement. On regarde le film, mais en même temps, on est beaucoup à l'intérieur de nous quand on regarde ce genre de film-là. Donc, ça, je pense que c'est ce qui maintenait aussi l'attention. 2002, c'est l'ONF. L'ONF. Le premier film dans le cadre de cinéastes recherchés. Absolument. Hein, donc, qui permet à des jeunes cinéastes de... De réaliser un premier films. Film... dans des conditions professionnelles, c'est ce qu'il faut dire. Mais ce qui est génial, hein, parce qu'en fait, moi c'est vraiment l'ONF qui m'a appris l'animation avec des gens comme Jacques Drouin, Michel Cournoyer, Cohenman, tous des gens qui avaient des postes permanents quand moi je suis arrivé, qui étaient là depuis plusieurs années, qui ont vraiment appris avec McLaren, tu vois, c'est ça. C'était ça quand je suis arrivé. Ouais, on sent pas un peu, il n'y a pas une pression quand on arrive à l'ENF? Ben moi, j'arrivais de nulle part, j'avais jamais fait d'école. C'est sûr que je me sentais comme le pire des imposteurs. Je me cachais dans mon bureau. À l'ONF, on peut se cacher quand même parce qu'il y a beaucoup de portes. Tout le monde est dans leur bureau privé, ce qui est bien pour se concentrer, pour travailler, ce qui est pratique aussi quand on veut se cacher. Alors, tu dis ça, mais Antagonia 2002, il y avait donc déjà ces deux premiers films. Encore, l'idée de répétition. Oui. On sent qu'il y a toujours cette envie là, de développer ça. Je trouve ça assez impressionnant sur les premiers films, le jeu entre des personnages. Encore, ici, il y a des oiseaux et des poissons. Mm-hmm. Ouais, je sais pas pourquoi ça revenait systématiquement, pardon. La banquise aussi, c'est le premier. Oui, je pense que... C'est le premier, oui, Yanson. Il faut mieux parler dans... Mais en effet, c'est le premier aussi où il y a la banquise qui arrive, mais, tout à fait. Mais Verminon, peut-être aussi, il y avait avec cette espèce de grand plan et la falaise. Ouais. Il y a peut-être une prémisse là aussi de la banquise. Puis même avec l'œil où il n'y a pas de décor, c'est finalement une ligne qui fait office de décor. Je pense que, ouais, tous mes premiers films sont des déserts, finalement. Ouais. Des déserts et puis différents espaces aussi, avec souvent l'idée du hors-champ, l'idée qu'on le quelque chose d'autre. Absolument, quoi, le hors-champ. Puis donc dans le cas de Antagonia, il y avait l'idée de sous la glace, ce qui se passe, les ombres finalement qu'on imagine être des vraies formes, par exemple sous la glace, et ce qu'elles sont réellement. Donc finalement l'appréhension d'une forme de réalité qui nous joue des taux, finalement. Il y avait un peu de ça aussi. Il y avait un peu de ça, de choses cachées. Puis il y a aussi, peut-être qui commence déjà, évidemment, avec le film d'avant, même si c'est difficile, mais en tout cas, on peut l'imaginer par la taille des personnages, une relation adulte-enfant. Ben, je pense qu'il y a eu, c'est ça toujours, c'est l'idée de intergénérationnel, de transmission. De transmission, hein, ouais. Ouais, puis de lien avec la famille, je sais pas, une espèce de... Ouais, de liens comme ça qui se tissent entre les personnages. Un désir, finalement, ouais, probablement de parler de famille, de relations enfants-parents, ce type de... Ouais, ouais, un peu une recherche d'identité aussi. Probablement, ouais. c'est ça. Parler de ces films, c'est toujours un peu... Mais oui, il y a de ça, certainement. Non, ce qui est intéressant d'en voir tous les films aussi, c'est qu'on se rend compte de ces choses-là. C'est-à-dire, des fois, on voit un film, mais on s'en rend pas compte. Et d'un seul coup, c'est vrai, là, par exemple, moi, je sais qu'on prépare une émission comme ça. Mmh. D'un seul coup, de voir tous les films, et on se dit, ah oui, non, là, quand même, c'est déjà présent, quoi, c'est déjà fort. Ouais. Il y a des impossibilités, hein. Je pense que plusieurs réalisateurs... font leur cinéma et d'une certaine façon pourraient pas faire un autre cinéma. On voudrait mettre de la couleur, on peut pas, par exemple. On voudrait mettre des décors ou être dans un environnement surchargé, c'est juste impossible. C'est pas ça peut pas, on peut pas représenter ce genre d'univers là, pas de façon instinctive à tout le moins. Il y a quelque chose qui est quand même étonnant dans ces premiers films, c'est ce magnifique, enfin moi je trouve en tout cas jeu de forme qu'il y a dans tous les premiers films, assez complexe et à la fois encore une fois qui joue sur le rythme et ce jeu sur le son, la conception sonore. Ouais. Ici dans ce film c'est Normand Roger en plus. Normand Roger qui a travaillé, qui a tellement donné pour l'ONF, pour les réalisateurs. Hein. C'était aussi un guide, même pour la narration. Donc les échanges avec Normand sont toujours des échanges positifs où il questionne finalement la construction du film et essaie de trouver la place de la musique juste pour aller avec le projet, avec le film. Donc c'est ça, c'est toujours, ça a été, j'ai travaillé deux fois avec Normand Roger, puis à chaque fois j'ai senti une grande écoute de sa part, et puis ça c'est une grande qualité. Ouais. C'est drôle parce que tu dis la difficulté de parler de ses films. Comment on en parle dans ce cas-là avec quelqu'un comme Normand Roger? Comment on en parle avec son producteur ou sa productrice? On ne dit pas forcément ce qu'il pourrait ou ce qu'on ne sait pas forcément qu'il y a derrière. Enfin, comment on donne des recherches graphiques, on donne un scénario? Ben, je pense que pour Normand Roger ou tous les musiciens avec qui j'ai travaillé, c'est... en fait, il n'y a rien à faire. L'image parle déjà. Après, il y a des intentions peut-être. Et puis aussi, c'est des questions de style. C'est le problème, c'est le dialogue, c'est le vocabulaire avec les musiciens qui est un challenge, je pense, pour les réalisateurs. C'est qu'on va parler en termes de couleur ou de sensibilité. On va dire des choses comme la musique est trop forte, quand dans le fond, ça veut absolument rien dire que la musique est trop forte. Donc, c'est juste qu'on n'a pas mis l'accent ou le focus sur tel instrument ou... Je sais que moi, des fois, s'il y a du piano, j'ai tendance à dire « Ben là, j'aime pas le piano. » Mais c'est, ça veut rien dire. C'est, donc, il faut essayer de trouver les mots justes, finalement, pour passer notre message, pour bien guider, finalement, la musique. Je continue à faire le journaliste qui veut absolument découvrir tous les thèmes derrière. Et genre, en ILO 2003, est-ce qu'on a quand même cette complexité, quand même, je trouve, d'un destin? Ok, j'ai dit qu'on essaie d'échapper. Je trouve, il y a ce destin qui est là. On ne sait pas si on doit recopier finalement ce que les autres font, ce que l'adulte, ce que le plus gros, je ne sais pas si c'est l'adulte, mais ce que le plus gros fait, ce que la personne avant de nous a fait, ou est-ce qu'on ne doit pas. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça quand même, non? Dans les films. Ouais, je pense que l'idée de frontières. Je pense que la frontière qu'on voudrait passer, mais qui est juste. Qui est juste une partie de nous, finalement, tu vois. On voudrait être autre chose que soi-même, et puis on est confronté, finalement, à notre réalité. Mais le désir est toujours là, de dépassement, puis d'aller... Ça me fait penser, en discutant de ça, à l'avant-dernier film, Le Cirque, où il y a cet enfant qui essaie d'accéder à sa mère, mais il y a un barrage de personnages, d'adultes, comme ça, qui entourent donc sa mère. Et il n'y arrive pas. En fait, il n'y arrive pas tout à fait. Il n'y arrive pas au moment où il aurait voulu y arriver. Mais probablement qu'on pourrait voir aussi cette limite-là. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il y a ça, en effet. On va voir qu'est intéressant. J'ai l'impression que ça, c'est le dernier film qui coule en fait une période, Nilo. On a l'impression qu'on a été au bout, pas au bout, je ne sais pas, mais en tout cas d'un style qui va s'affiner de plus en plus. On est toujours un peu dans le même style graphique, on est dans les mêmes thématiques. Et qu'ensuite, voilà, tu vas passer à autre chose, mais Lilo, et peut-être qu'il y a quelque chose, on va en reparler, il y a l'idée de faire ce film aussi en étant en mouvement, parce que finalement, il se crée en tout cas une partie sur un bateau. Ben oui, sur un bateau. En fait, il s'est fait parce que c'était trop long de changer de métier. Moi, j'aurais voulu changer de métier, devenir caméraman ou plongeur sous-marin, quand j'ai fait la visite de ce trois mâts-là, qui partait en Arctique, faire le passage du Nord-Ouest pour documenter les changements climatiques. Et donc avec des documentaristes. Et donc ils partaient dans deux semaines après ma visite. Et là je me suis dit, c'est je vais me cacher sur le bateau. Mais non, c'était impossible. Mais finalement, la bonne idée, c'était de proposer un film d'animation. Voilà. Il s'est créé comment? Parce que ça paraît étonnant de se dire, est-ce qu'il y a... On a l'impression d'une structure qui est même plus importante dans ce film-là que dans ceux d'avant, au niveau narratif, on va dire. Et à la fois, ça paraît étonnant quand... Voilà, on se balade, donc j'ai l'impression que tu aurais pu encore plus le faire au fil des jours. Ouais, puis en même temps, il n'y a pas d'adéquation entre le film que j'ai fait et le bateau. Par exemple, le bateau n'existe pas. J'ai fait le film sur le bateau, mais au final, le film, c'est un Inuit qui part à la dérive sur un petit bout d'îlot, justement, un îlot de glace. Donc, on peut se demander, mais pourquoi... Pourquoi partir sur le bateau? Mais en même temps, il y a plusieurs petites scènes qui représentent un peu mes impressions. Donc, l'isolement des communautés dans le Nord. Il y a un moment, il y a une baleine qui tombe du ciel, comme ça, qui est découpée. Et qui... Et ça, c'est un moment que j'ai vraiment vécu. C'est un moment où on est arrivé dans un village et c'était la première baleine qui a été pêchée. Et puis, donc, c'était un moment important, finalement. Et c'est des petites équipes qui partent sur des petits bateaux, là. Et c'est des équipes du village. Et l'équipe qui pêche la première baleine a les meilleurs morceaux. Mais tout le reste est partagé à travers la communauté. Et puis, il y a vraiment un esprit... de partage, mais en fait, il reste plus rien. C'est drôle parce qu'il y a vraiment l'idée de... Enfin, qu'on ressent un peu d'une logique joliment, joliment surréaliste, absurde. Ouais, mais en même temps, un peu concrète, parce qu'à un moment, dans le film, il y a des personnages vont souffler des poissons qui vont devenir des espèces de ballons qui vont flotter dans le ciel. Mais ça c'est il y a une référence, c'est que là-bas ils vont utiliser par exemple des animaux, des phoques souvent comme bouées pour aller à la pêche. Ce qui ils ferment les donc ils ferment la bouche et bon tout ce qu'il y a à fermer et là il y a la fermentation et ça vraiment ça devient comme des ballons et ça fait des bouées de ouais des bouées pour aller à la pêche. Donc c'est ce qui m'est resté en fait en tête, ça m'a vraiment impressionné et donc ça s'est incarné dans mon film comme ça, comme des ballons. C'est, donc en fait il y a des choses concrètes qui sont pas qu'on peut pas savoir en fait on sait pas forcément si on n'a pas vécu là-bas, si on n'a pas, mais c'est ça. Il y a l'idée de modernité contre lui on a l'impression qu'il a encore son harpon, etc. Il y en a qui arrive avec un fusil, avec un assez littéral. C'était amusant de le faire, puis ça parlait aussi de la fragilité de cet environnement là parce que c'est vrai que le réchauffement de la planète met en péril, fragilise en fait leur environnement de façon rapide. Donc je voulais que ça soit bien compris. Donc, On va peut-être pas faire une pause complète parce qu'on a pas de temps, le temps passe vite évidemment. J'aimerais quand même qu'on écoute un tout petit peu de la 11, s'il te plaît Nicolas. Mais on va écouter, je sais pas, elle doit faire un peu 2 minutes 20, si on peut en écouter qu'une petite minute. Et on enchaînera sur la piste 12. Merci de voltiger encore avec mes choses. Donc 11. Enfin non, pardon, 7 et ensuite 8. Ah oui, c'est mieux. Hein, ah oui, 7, oui, 8. non, c'est ça en fait. Parce que 11 et 12, ils se disent, oh là là, mais il m'amène où ? Ça n'existe pas, 11 et 12. Donc la 7 qu'on écoute un tout petit peu, une petite minute, et la 8. Merci beaucoup, Nicolas. le premier, en fait, c'était un espèce de clin d'œil. Il se souvenait pas parce qu'il l'a mis aussi sur son Facebook encore à Nicolas. C'est, et ça, le nom, je savais aller faire plaisir aussi à Rémi. C'est un groupe qui s'appelle La Volée de Castor. D'accord. Je sais que c'est un fan de Castor. Donc voilà, La Volée de Castor. Les deux vendredis qui tiraient aussi d'un jeu vidéo qui a été repris dans un jeu vidéo. Donc voilà, je sais que voilà. Mais bon, des fois, on met des trucs sur Facebook. T'en as pas beaucoup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah tiens, je vais prendre. Mais en tout cas, c'était intéressant de passer. Et le deuxième est d'un film dont on va parler là à la fin. Corps étranger, encore une fois, il ne reste plus beaucoup de temps, mais on va se dépêcher. On va peut-être passer. Je voulais que tu nous parles un petit peu, mais tant pis, de la partie un peu plus documentaire de certains. Parce que t'as participé à des documentaires Homme des Bois, Le Petit Jean-Pierre, Le Grand Perrault, 538 fois la vie, Herman's House, Le Galet déconcertant. Donc à chaque fois, c'est des petits bouts d'anime dedans, c'est ça? Ouais, c'est des réalisateurs qui sont venus me voir, qui croyaient que, avec l'idée en fait que l'animation pouvait apporter quelque chose à leur film. Donc après on a essayé de voir si comment l'animation pouvait effectivement apporter quelque chose de neuf, pouvait bien s'arrimer ou compléter le réel, ou et ce qui est quand même un questionnement, parce que parfois il peut y avoir des mélanges qui sont en tout cas moins heureux que d'autres. Il faut se poser la question comment l'animation peut s'intégrer au réel, et quel est son rôle, qu'est-ce qu'il apporte réellement, qu'est-ce qu'elle apporte à gimmick, effectivement. Et moi, ça a toujours été des projets intéressants, puis des rapports privilégiés avec des réalisateurs. Ouais. Alors j'ai pas dit hein, mais L'Œil c'est 5 minutes, Vermino 7 minutes 15, Antagonia 8 minutes 45, Ilo 7 minutes, Ungu 9 minutes. Oh là là. Chaque fois c'est des films longs hein. Le Cirque c'est 7 minutes aussi. On verra après, c'est le dernier qui est un peu plus court aussi. Donc c'est des films qui sont à chaque fois longs, qui te permettent quoi, de développer, tu trouves justement ce rythme si particulier qu'on a dans les premiers films. La durée, parfois on peut je crois qu'on surestime souvent la durée des films. Je crois qu'au départ, on se dit, bon, je vais faire un film qui va avoir une certaine ampleur, qui va faire un 10 minutes, un 15 minutes, puis on se rend compte que le film tient dans 7. Alors, et parfois, ça peut être l'inverse, mais ça m'est arrivé plutôt. J'ai plutôt eu des projets ambitieux qui se sont résumés. Que l'inverse. Ouais. Tu es plutôt dans ce sens-là. Tu travailles sur des films en collaboration, Isabelle Au Bois Dormant, La Tranchée. Oui. Un goût, c'est long après, c'est 2008. Ça arrive 5 ans après. Ouais, ça c'est. On a l'impression d'un vrai. Ouais. Une petite traversée du désert, en fait. C'est un film qui était à l'ONF. Michel Bélanger, à l'époque, avait commencé avec moi là, cette aventure-là. Et ça a été. C'était le temps du financement. Ça a pris 3 ans pour débloquer les sous à l'ONF. Ce qui était quand même. Ce qui m'était pas arrivé jusqu'à ce moment-là. Et qui était un peu. On se pose des questions quand même. Après 2 ans, 2 ans et demi, où on a des sous en développement, après on peut faire on peut avancer un peu, faire une animatique et tout, mais après 2 ans et demi, on se dit, ben, est-ce que le film va se faire vraiment? Et le film s'est fait, le film s'est complété avec Julie Roy, de sa première production, d'ailleurs. Wow. Changement de technique? Changement de technique, parce que les premiers films étaient faits, en fait, en animation de pixels. C'était un programme, un vieux programme qui est un paint tout à fait basique, là, des lignes aux pixels. Puis après, j'ai traité ces lignes-là dans Photoshop. D'accord. Et c'était très minimaliste. Et là, Ungu, ça a été autre chose. Ça a été l'animation de silhouette et l'animation de sable. Voilà. Donc, On part ailleurs, on n'est plus en Antarctique, on n'est plus dans le Grand Nord à la rigueur, on part en Afrique. On part en Afrique, mais en même temps, c'est la même chose. Ouais, hein. C'est un autre désert. avec toujours les mêmes, avec cette idée de transmission. Ouais. Encore une fois, avec un petit garçon. C'est ça. Qui annonce aussi un peu le cirque, parce qu'il y a déjà l'idée de perte, de deuil dans le film. Ouais, mais qui peut-être plus. Ben déjà, c'est pas, ça part d'une légende. C'est pas une légende, en fait, c'est une transcription. D'une tradition orale africaine. Donc, ces 3 lignes, hein, en fait. Et sur ces 3 lignes-là qui, moi, m'inspiraient, j'ai construit le film. J'ai construit un film qui, finalement, est l'amalgame de plusieurs légendes, plusieurs influences comme ça. et qui ont créé le film, en fait, la narration du film. Ouais. Alors, encore une fois, on pourrait passer plus de temps sur les films. Je passe beaucoup trop vite sur la plupart des films. Et il y a ce film qui, sûrement, à mon avis, a fait connaître, en tout cas, t'as fait plus connaître dans le reste du monde. Ongu, déjà, avait fait quand même pas mal de festivals. Avait déjà pas mal marché. Mais je pense qu'évidemment, c'est la force émotionnelle aussi du film. Donc, le film d'après, qui est Le Cirque. Mmh. Où là, par contre, il se fait très rapidement. C'est étonnant parce qu'avec un sujet qui est dur comme le deuil, on pourrait croire que ça va prendre aussi du temps. Le temps, on a l'impression que peut-être que tout est en maturation dans les autres films. Est-ce que ce film se fait plus rapidement? Est-ce qu'il y a une obligation de le sortir à un moment donné? Peut-être, mais je sais aussi que ça, c'est un sujet. Bon, c'est le sujet était connu de l'ONF, en fait, de la production à l'ONF et des amis aussi. Le fait que j'ai perdu ma mère plus jeune, j'avais 20 ans. C'était quelque chose que les gens ont commencé à savoir, là. Et à un certain moment, on m'a dit « Mais pourquoi tu t'en fais pas un film? » J'étais pas tout à fait certain que je voulais, de faire un film sur ce sujet-là. Mais là, il y avait la résidence à Folimage. Donc, on m'a dit « Mais pourquoi tu tentes pas le coup? » C'est Julie Roy, en fait, encore, qui m'a dit « Mais écoute, si t'as envie de faire un film, peut-être que là, ça pourrait être une option pour toi. » L'idée de partir aussi, ouais, de faire en résidence. Donc, et puis, ben, ça a fonctionné. Je suis parti. On a écrit le scénario. J'ai co-scénarisé. Pour la première fois, ce qui était une belle aventure. Puis aussi une façon d'apprendre aussi à travers cette écriture commune-là. Et partir en France 9 mois, c'est génial. Puis on a l'impression d'un film complètement autre. Il y a la force émotionnelle, il y a la mise en scène, parce que là, d'un seul coup, on a une mise en scène qui joue beaucoup plus. Enfin, on a des mouvements de caméra, on a des bribes, parce qu'évidemment, le petit garçon voit des bribes de choses qui se passent, bribes de gens. On a l'impression, alors là, on est dans un film qui est complètement différent. Trois jours de tournage avec des circassiens de Valence et tout. Bon, trouver les décors, construire les décors, parce que là, il y avait une maquette, on a tourné ça sur écran vert, mais il y avait une maquette réduite aussi où on a fait des effets spéciaux. Il y a eu du dessin, du fusain, des effets spéciaux en fausse glace. C'était assez... plusieurs techniques. Donc, c'est-à-dire que c'est la prise de vue réelle, en tout cas, parce qu'il y a de la rotoscopie qui t'a permis d'avoir cette mise en scène, ou il y avait déjà cette mise en scène avant? Non. Et ensuite, tu t'es dit, bah tiens, c'est une bonne idée de le faire comme ça. En fait, non, la mise en fait, quand j'ai écrit, je l'ai écrit en me disant que ça allait être tourné. Et puis même, j'ai modélisé justement l'environnement en 3D et j'ai placé mes caméras et mes mouvements de caméra dans un monde virtuel. Donc, je savais exactement où je m'en allais pour le tournage. Donc, tout était... mon plan de tournage était prêt, là, était ficelé. Puis, c'est ce qui a rendu la chose agréable avec le caméraman aussi. Parce qu'on savait exactement où placer la caméra, ce qu'on allait faire. Donc, on faisait. Puis, en plus, avec les acteurs, ça a été génial. On avait des jumeaux pour le petit garçon, là. Des jumeaux plus l'acteur principal. Donc, on avait trois garçons avec qui on pouvait travailler. Et c'était parfait. Ce qui facilite la tâche, parce que c'est pas évident de travailler avec des enfants. Oui, en plus. Puis, c'est des longues journées de tournage, hein. Donc, il y a ce titre qui est très dur par rapport au film, Le Cirque. Ce jeu, je pense que c'est ça qui a marqué aussi beaucoup de monde, c'est-à-dire tous ces gens qui arrivent avant que la personne décède et puis après qui partent comme ça, et les tensions qu'il peut y avoir et les non-dits, je pense, non-dits, aussi, hein, c'est ça, parce que bon, il n'y a pas de narration, tout est vu à travers les yeux du petit garçon, caméra subjective. Des plans un peu énigmatiques, comme ça, avec la glace qui rentre dans une salle d'attente, finalement, d'un hôpital. Je pense qu'il y avait un côté un peu étrange, avec une musique un peu entre deux mondes. Effectivement, une tension qui s'exerce, mais d'une façon latente, tout le long du film. Est-ce que la fin, l'idée du souvenir, même s'il y en a peu... est important? Ben là, c'est là où l'écriture devient importante. C'est là où si on n'avait pas pris le temps de bien écrire le film, les émotions n'auraient pas passé, parce que si on n'avait pas les moments de proximité entre la mère et le petit garçon, je suis pas certain si on aurait été touché de la même façon par l'histoire. Et d'emblée, moi, c'est des choses comme ça que j'aurais peut-être pas écrit seul, par pudeur, mais pour le film, je pense que c'était une scène qui était importante. Est-ce que ce film, il est en 2010, tu mets 2 ans, mais est-ce qu'on peut dire que tu as mis 15 ans à le faire consciemment? Je pense que oui, mais on en a parlé un peu là, depuis le début. Mes films, je pense, parlent de la maladie ou parlent d'une forme d'impossibilité de toucher à une forme de réalité ou de compréhension du monde. Et puis, moi, j'ai commencé à faire des films l'année qui a suivi la mort de ma mère. Donc, je pense que faire des films, pour moi, ça a toujours été une espèce de façon d'exprimer un peu cet événement-là. Sans que ça soit de façon directe, je pense que c'est toujours un peu latent dans mes films. Peut-être pas dans tous, hein. Des fois on a tendance à généraliser, mais peut-être un peu. Et je pense que le cirque était un peu la conclusion, ou une espèce d'exorciste, entre guillemets, de ça. Et puis après j'ai douté un peu, je me suis dit, est-ce que finalement j'ai fait tout, peut-être que c'était mon cinéma, finalement, que le cirque était un peu ce que j'avais à faire, et puis que j'allais passer à autre chose après. Et là, il y a le passage à complètement autre chose, un film qui a eu le Grand Prix Off Limits, donc l'année dernière à Annecy. L'année dernière ou cette année? Cette année. Toujours cette année, jours. Voilà, c'est ça, on a encore, qui s'appelle Corps étranger. On revient à un film qui est plutôt court, 4 minutes. Alors c'est drôle parce que on peut penser à un autre cinéaste canadien qui lui parle de l'horreur intérieure, qui est Cronenberg. Ah oui, c'est et vrai. Là, on a l'impression que c'est plutôt d'une poésie intérieure, c'est-à-dire de voir ce qu'il y a à l'intérieur, de voir l'intérieur, mais dans un côté plutôt beauté, en tout cas. Ouais, je pense que ça oscille entre fascination et étrangeté, le fait d'exploiter le corps transparent, finalement. Je pense que ça amène une forme de conscience nouvelle sur le corps. Je pense que c'est inconfortable. On ne veut pas nécessairement voir notre corps de l'intérieur, mais on est confronté de plus en plus à ce genre d'image-là. Et qu'est-ce que ça nous fait? Comment ça nous change en tant qu'être humain d'avoir accès à ces images-là transparentes, tu vois? Ça m'a... Les limites de la représentation du corps et puis comment ça peut nous affecter, c'est un sujet qui est peut-être un peu philosophique, puis qui demandait probablement un genre un cinéma plus d'expérience ou expérimental qu'un cinéma narratif. C'est ça, on est dans l'idée plutôt de film et installation. Film et installation, galerie. Donc ça s'est promené au Brésil, au Musée de l'image et du son, à la bande vidéo à Québec, au FNC à Montréal. Ça a bien fonctionné. Ce qui est étonnant avec l'étranger, c'est qu'on a l'impression d'un espèce d'aquarium mystérieux, on a l'impression d'un balai comme ça, de choses, et si on a envie de voir le corps, on voit le corps, et sinon on a juste envie de voir entre guillemets juste des formes, on voit, et j'ai l'impression d'un jeu du spectateur à chaque nouvelle vision. Oui. Selon comment on est, on peut vraiment le prendre de manière complètement différente et jouer avec le film. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu ressens ou Ça nous ramène à mes premiers films, je pense, où il y a une espèce de... C'est indéfini, les formes sont indéfinies et les contours ne sont pas tout à fait clairs. On ne sait pas exactement à quoi on a... Qu'est-ce qu'on voit? Il y a une forme d'interrogation puis de mystification un peu du visuel, avec une musique répétitive comme ça qui devient hypnotique. Ouais, je pense que là, on se ramène à mes premiers films. Là. En effet, c'est vraiment un cycle qui est assez intéressant. Rémi va me détester, donc il faut que je fasse. On va faire le ensemble. On va faire ensemble l'agenda. On va avoir une dizaine de minutes. Juste, je voulais savoir comment on fait pour travailler. T'as pas de dialogue dans aucun des films qu'on a, sauf que l'entendu, la musique commence à jouer un petit peu avec la voix et quelque chose d'autre. Ouais. Comment on travaille comme ça un film avec cette musique? Pareil, est-ce qu'on l'a avant? Parce que tu mets pas quand tu dis que t'as les musiques après. J'ai l'impression que tu travailles avec ces musiques-là. Mais pour ce film-là, j'avais la musique. J'avais les musiciens. C'est un projet que je voulais faire depuis un moment avec un groupe de percussions corporelles et de percussions vocales qui s'appelle Boom Jakak. Et eux, je les ai vus en concert il y a quelques années. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec eux. Et puis là, ça a été l'occasion de travailler. Ouais. Ça va être une trilogie? Ça va être une trilogie et puis la voix va suivre, je crois. J'étais bien, mais donc tu avais la musique pendant que tu faisais le film, ouais, en fait, c'était ouais. ça, il y avait un lien entre oui, tous les deux. Oui, là, c'était disiez... tout était là en même temps. Tout, j'avais les images, la musique, et puis on a fait des tests aussi avec Olivier Calvert qui me suit hein, depuis longtemps, qui est important. Ouais, on n'a pas parlé, mais on pourrait en parler un tout petit peu parce qu'il a fait un travail qui est incroyable. Ouais. Puis je trouve que la conception sonore dans mes films, ça prend une place importante et ça participe à toute l'ambiance et puis à mon cinéma. Puis ça, je dois beaucoup à Olivier pour ça. Ouais, ça, c'était important de le préciser. Je sais pas s'il y a une émission après nous. La tribuna, bon, on va voir. Alors, on va faire. On sait jamais. Si jamais on a 5 minutes de rab, j'ai encore d'autres questions. Puis je suis persuadé qu'il y a plein les gens autour de la table ont des questions aussi. On a été vite. Merci. Je voulais brosser plutôt une idée de carrière comme ça parce que quand j'ai revu les films, je trouvais ça intéressant de voir à quel point les choses se reliaient. Et je pense qu'on aurait pu passer aussi beaucoup de temps sur le dernier film. Merci, merci infiniment, Nicolas. Et maintenant, Rémi. Alors, juste, j'avais dit, parce que j'avais aussi un cadeau, et décidément, elle n'aura jamais son cadeau. J'avais un cadeau pour Valentine. On aurait dû passer normalement maintenant Covenant I Am, parce qu'elle me l'avait demandé, elle me dit, ce serait vraiment bien de passer. Et donc, je suis absolument désolé, on ne le passera pas, pardon. On peut juste passer, est-ce qu'on peut juste passer pour Rémi, juste le tout début de la piste 10? Mais juste 20 secondes. Personne diabolique. Merci, donc Rémi, ça c'est... Hein, c'est la musique de mon film Aventure castorienne dans un désert glacé. Voilà, et normalement vous entendez, vous avez, j'ai coupé peut-être un peu trop tôt, mais vous entendez Rémi hurler... Les castors sont diaboliques. Voilà. Donc. Ce qu'ils sont d'ailleurs. Vas-y, à toi de faire ton agenda maintenant, oui. Après ça. Allez, on commence avec le festival Cinéma Télérama. Il y a un seul film qu'il faut voir. Dans... En fait, c'est un programme de 16, des 16 meilleurs films de l'année selon Télérama. Et c'est le film qui a gagné le Grand Prix d'Annecy, Le Garçon et le Monde. On pourra le voir notamment à l'espace Magnan. C'est les seuls qui m'ont envoyé l'info, donc je leur fais de la pub. Mais autrement, ça sera dans 250 salles et quelques. Et ça sera du 21 au 27 janvier. Le Festival Ciné Junior, alors ça sera un peu sur le mois de février aussi, ça commence le 28 et ça se finit le 10 février. Il y aura notamment des ateliers faits par Violaine Lécuyer, qui seront intéressants avec de la pâte à modeler ou du papier découpé. Aussi, un atelier avec Julie Dumont, de craie sur tableau noir, pardon. Le festival de Clermont-Ferrand, je pense que j'en reparlerai plus à la prochaine émission. J'ai pas eu le temps de consulter énormément le programme. Ouais, il y a des choses bien, mais des choses moins bien. Ouais, il y aura La Mouffe, Le Petit et son partageur, etc. etc. Ouais, comme d'habitude, les Canadiens sont partout et Christian Drette est dans le jury. Voilà. Et vous verrez Clément se bragarre là-bas. On se dépêche, on a. Les après-midi des enfants, bon, j'évacue les mille et une pâtes et ratatouille. Il y aura L'Ours Montagne le 7 janvier. Petit baiser et grande rêverie, c'est un ciné-conte animé par Bertil Souillet. Le 10 janvier, Nausicaa, la vallée du vent, évidemment, le 17. Et les Moomins sur la Riviera, le 24 janvier. On verra si c'est bien, moi je sais pas. Aucune idée. Oui, on verra bien. Un truc important, une conférence et projection, Le Roi et l'Oiseau. Ce sera le 8 janvier à 17h à l'École nationale des Beaux-Arts. Ce sera avec Lionel Charpie et Jean-Pierre Pagliano. Donc je pense que ça va être du bon monde. Ça va durer très longtemps, parce que c'est deux grands bavards absolument passionnants. Le même jour, le 8 janvier, il y aura Bring Your Own Animation au bar Patrick Lebas en vert. Ça, tout le monde peut amener son film, on les regarde et on discute. Voilà. Les conférences du mercredi de Crocanime, ce sera le 14 janvier. Ce sera sur le thème un film, un public. C'est au pavillon carré de Baudouin. Je ne sais pas encore qui sera l'intervenant. Je ne sais même pas si Sylvie le sait déjà. Si elle le sait vite, elle peut envoyer un message rapidement. Voilà. Dans les appels à projets, donc encore Crocanime pour le prochain festival jusqu'au 30 juin. Et ça aura lieu du 9 au 13 septembre, le festival. Un projet un peu bizarre que j'ai trouvé sur Facebook, ça s'appelle Dago End. Alors il y a un thème, c'est... Une comète s'approche inexorablement de la Terre, il vous reste quelques heures avant la rencontre. Qu'allez-vous faire de ce temps? Il faut envoyer... Donc, un projet de 10 à 5 minutes, et ça sera peut-être dans le film. Ça sera un long métrage d'une heure et demie. Bien sûr, je dis à Nicolas, pas de générique, hein, que la tribune Latina prépare le générique, évidemment. On leur laissera la parole à ce moment-là. Vas-y, Nicolas. Vas-y, Rémi, pardon. Je commence toujours un peu, dans les appels à films Annecy, évidemment. Ce sera jusqu'au 15 janvier pour envoyer le film. C'est quoi ça? Annecy, c'est un festival, je crois qu'on a parlé tout à l'heure, d'accord, mais je ne sais pas trop. Okay. Je ne connais pas, c'est pour ça que je demandais, merci. Donc, 15 février pour les courts-métrages, films de télévision, films de... enfin les films intéressants, quoi. Après, les longs-métrages, je pense qu'ils sont au courant. Les sorties ciné, on a les aventures d'Emmy Laferme, de Per Hallin, Lars Persson et Alicia Jaroszky. Il arrive de mieux en mieux, c'est trop fort. Ensuite, Souvenir de Marnie, ça plaira beaucoup à vos petites filles si vous en avez. Bah, c'est super joli. Non, ça, c'est cucul à praline. C'est cucul à praline, mais ça montre que le cinéma japonais est largement en avance sur nous. Vous avez une scène à un moment donné où elle découpe une tomate. Et ça peut paraître bête, mais c'est super important parce qu'on le fait jamais dans les films d'animation, longs métrages occidentaux, parce qu'on dit oh ça sera rien à l'histoire et tout. Là on les voit vivre, alors c'est peut-être cucu, mais qu'est-ce que c'est bien réalisé. Et oui, c'est comme ça. Sans envie de voir des monstres, je crois. Bon, t'auras peut-être pas le temps d'en dire quelque chose, Yann Song, si. Yann Song est fâché avec c'est ce film. C'est préféré Yann Song. Personne ne sort. Je n'ai pas dit les dates, au fait, les deux derniers c'était le 14 janvier, celui-là ce sera le 21. Janvier, ensuite le 28, alors un film un peu, j'en ai pas entendu parler du tout, ça s'appelle Yeti, et de ce que j'ai compris du résumé, vous le lirez sur Allociné si vous voulez, c'est que c'est un Yeti pédophile meurtrier schizophrène et un petit chaperon rouge d'Afobad. Oui, désolé pour le réalisateur. Je voulais dire que j'avais super envie, mais en effet... Mais ça a l'air joli. Désolé au réalisateur s'il m'écoute, je devais faire cette blague. Ça y est, c'est fini? Oui, et... Et d'habitude, je dis que vous pouvez m'envoyer vos infos, mais non, là, je suis en vacances, donc vous m'enverrez rien jusqu'au 1er janvier. La prochaine émission est normalement le 3 janvier. Je ne sais pas, on verra si on fait une émission ou on cuvera. Mais en tout cas, voilà. Merci infiniment à tout le monde. Merci beaucoup à Nicolas. Merci. Clémence, merci. Tu fais quoi, en fait, dans la vie? Non. Vas-y. Je suis à la recherche d'un travail à partir du mois de février. Et si ça peut être dans la programmation en festival, c'est la panacée. Mais on verra ce que 2015 apporte. Et là, pour l'instant, je fais de la production, effectivement, en studio. Bon, bah parfait. Voilà. Clémence est quelqu'un de talentueuse, on la voit partout et c'est intéressant. Merci à Yann Song d'être venu. Merci à Rémi d'avoir fait en 7 minutes cet agenda qui aurait mérité 20 minutes. Oh, c'était un petit agenda janvier, il ne se passe rien. Quand même, merci beaucoup. Merci bien sûr à Valentine pour le gâteau. Pour les invités et bien sûr pour le gâteau. Merci aux deux Nicolas Bro. Bon retour à Montréal. Merci beaucoup. Profite bien de la neige, il y a pas assez de plein de neige là-bas. Et merci encore une fois, bien sûr, il le sait, mais quand même à Nicolas qui jongle avec mes trucs musicaux, etc. Je sais pas si la tribuna est prête pour mettre, sinon il y a le générique de fin qui était, mais voilà, mais sinon on laisse la tribuna partir, sinon il y a le générique de fin, un tout petit bout qui est tiré de Howard Shore, Dead Ringers. Voilà, et ben passez les bonnes fêtes évidemment, et on se retrouve l'année prochaine. Merci de nous écouter, à bientôt, bye bye.